monde de la politique, du monde des affaires, des finances, de la culture, du sport. Ils ont marqué leur domaine. Leur témoignage nous intéresse. Comment se sont-ils faits? Comment sont-ils arrivés là? Découvrez leur fascinant parcours sur Top Congo FM. Chaque semaine, plongez au cœur des moments clés qui ont fasciné leur destin et qui peuvent nous inspirer. Parcours tous les vendredis à 14h15 et 20h15, en rediffusion le dimanche à 14h. Parcours, votre nouvelle émission présentée par Thierry Kambundi et Eric Lukoki. Bandeko balandi ya parcours mbote na bino esengo mingi lisusu ya okuta na bino leloyo na cadre ya parcours na biso to telemi esika ya personnalité politique moko ya monene, une dame, une grande dame, hein, ba misu ba benga kae Jeanne d'Arc, ba misu ba benga kae boy asali makamo mingi na politique, komba na ye eza inclus na kati ya histoire na ye o nazo singa na bino bo découvrir. Invité na biso kombo na ye maman Eve Bazaiba Masudi, ye azali leloyo ministre d'état à l'environnement, kasi parcours na ye ezali na mwanda mwali solo na société civile, mwanda mwali solo na UDPS Tshisekedi au côté ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba pe mwanda mwali solo lisusu na mouvement de libération du Congo. Na singi na bino donc to découvrir l'isolo ya maman Eve Bazaiba Masudi. Bande ko balandia émission parcours le quoi na uti ko lo balabino on côté là invité na biso a lelo azali penza nyama monene o babenga nzoko na invité so to ko olia ye na temps o za imparti na émission na biso metoro yeba to découvrir neni ni mwana soda o akoli na kan lelo a komi l'une des figures féminines les plus importantes, les plus marquantes, il y a politique, il y a Mbo Kanabiso. Parmi ma maman, il y a une histoire. Il y a une femme politique active. Il y a Rosala, vraiment, vraiment, vraiment, na premier rang. Invité Nabiso, Ezali, maman ministre d'État à l'environnement. Mais tu as bien la qualité, wana. Kakate, tu es bien surtout comme actrice politique. Maman Eve Bazaiba, Obo Lingaka, Obo Yokaka, Obo Sengaki, surtout dans l'émission Parcours. Dès les premiers enregistrements, elle nous a fait l'honneur de nous recevoir. Maman Bazaiba, Mbote Nayo. Mbote, Mdeko Mopanzisang, Mbote Mwananga. Merci beaucoup. Boni. Kimia, Nangolo Anzambi. Alors, Lelo, Bakongole, Balingbaye Bayo. Naloba, Mbala, Nambala. Que le malheur des politiciens à la queue, à chaque fois que tout ça la interview, ils sont liés à l'actualité Moroboué. Soit il y a Moussala Nayo, soit il y a politique, soit il y a social, mais mingi baye bara penza te bo utarawapi, bo chemina nengini ni po bokoma, bisika bokom. Y a un atelier qu'on découvrir, ou y a yo parcours. Maman Bazaiba a botami wapi. Lisolo eza mulai. Ngai nazao babenga mbokatie. Akino babenga mbokatie. Na botama na mboka na village. Na village ya mama na biso. Mwa village mwa muke. Komo nango ya bibi. Eza na sektor ya Turumbu. Territoire ya Basoko. Na province ya Chopo. Na lero wana eza lala nano province orientale. Mesiko na ebite. Na mikanda bakoma Kisangani. Ah, ta una botama ici si mundelele razo koma baba to akalati azo koma ya bibi atali ona carte a retrouver penza te mais pourtant za la ya bibi rive mais ba koma Kisangani na botama le 12 août za la jeudi mukola marché marché moko za la na mboka wana po mboka na biso za la lundi za na marché mboka boye mardi marché boye one za la jeudi na bokondo marché za la ka mama linga ki ne marché na tongo mais à Kokakate, ndenge moko abeta lisolo nango mbule no kaka ba 5h30 na eko botama mais na moi difficulté ezali j'ai dit le 12 août 1965 ezala ki na période a bitumba période wana ezali na bitumba bitumba na... banani bitumba ba benga ngo mulele bitumba mulele banaka 64 ti ba 65 wana potango bitumbe banaka nde ba parents bazala na Kisangani ba kimaka sikoyo ko bomba na mboka kuna ya bibi na ya bibi ya bibi na Basoko c'est ça voilà na province ex province orientale et voilà et comme il est province et comme il est province ya Chopo pour découvrir d'ailleurs que maman tika la fidèle très rattaché na ba souche na ye. C'est ça. Même sur le plan politique ou surtout sur le plan politique. C'est ça. Et voilà, donc au Botami, au Colline Ngeni. Bon, tant na Botama ki wana comme na ibisi bino, wana za ma solo, maman na biso azayi koloba, papa na biso, na oncle na biso oya sala ke asungaka mama ponga na Botama po. Oncle na biso wana kombo na ye James Mefalesi. Akufa il y a pas longtemps, à ça là plus de 100 ans. Oh. Et puis miracle nzambe, ye muto à ça là il y a manga na mokili et puis ngam na conduire ye tango akufa ngam na tchaka na morgue. Siko ye ababetela nga lisolo ke kobote za la matata. Na mboka babengi basi ya mboka ba sage femme ndenge bazala kawana me bakokite ponga na lika munene. Nde siko moye ezate babengi oncle na biso azalaka infirmier titulaire ba obengango ite na lero wana sima yaki ko perfectionner musala na ye ayaki okoma médecin na na mboka azala pa ba série ya ba docteur imana na lero wana ba ibana ba kenda ba poto kotanga bref alobi nanga ke mama abotisi mama na ngai yangona na mboka histoire ngo yebana na mboka mama na biso soka ke osukola na ebale ko sko bilamba to ko sala misala na ye abane ne ko yo ka sonya mutu te ba to ba wolo la Marjorie yo mona pasteur mobimba yo ka ka soni tabi ya na nga moko mutaboti sana yo nani nga na yo ka somo na yo donc esa histoire ba yemba e pina kanzem sikoyo tango ba bitumbe sili toke siko na chef lié na basoko place na koleli ba image pe ezali na cité basoko na YouTube ba na otala ba photo na yo na ba moment important siko yo na koti classe na école primaire na sala ki wana na mboka na bando sala 5 km kolongwa ya bibiti ko kene na mission ya yalemba uzai na première deuxième troisième tika troisième na suka kiwana chaque jour 5 km aller retour et sali 10 km na tika ko yo ka pe passe na ngote na bomo na ka bisengo na bisengo donc na yo ka te ke souffrance moko boye na zo mona ngo normal wana na primaire na primaire ozo ke ne yo moko to na te za ina groupe abaninga cousine na nga moko boye ya ide Astrid akufa et puis cousin na nga moko boye colonel Boumane akufi pe kala mingi te tozali na groupe aba jeune même mususu azali bazana bamboka na bakoi mikolo bakoi bakoko mama matamu azali na mboka mo babenga bolila to bandoke na baona class batuto tanga na baona class bangwana ti 3e na mission après papa ayekozwa mutation batindi biso na Bunia papa zali nani papa zali ki lero wana na ebayi penza grade na ete atika koyibisa ngate bazala na na comptable azali biso comptable d'état après comptable d'état iko kota na na la police na la police as sala de police à l'armée iko kota na na police nationale toke na kisangani batindi biso na na Bunia kuna pe na Bunia na tanga kimwa ina neto zo tambola mingi après Bunia iko koma Kikwiti après Kikwiti kananga totambola mwa bamboka ebele ya mwana na luba balangi nyonso na comprendre ce que Swahili Lingala Chiluba Kikongo mwana sodato siko te mama a 13 à l'aise na minoro nyonso donc siko ne na comprendre c'est ça mama iko luba kotambola boyele ki mingi yo kenaka ba mitation na yo ngai fona fana na bana place moko to yaki kofana siko na Kinshasa place ya liboso to fana ki pe na tangaki na bando tanga siko yo na lycée nazalaki na lycée Mpiko na Lemba na yeko sisa classe na lycée Bosangani bofana ki boso na matete boyeli kisasa na Kinshasa toyaka na 1971 wanoza na 1970 excusez-nga na 70 lera ngo bosa la vote vert na zo e bali susu vote vert vote vert président Mobutu asala ka ba election moko rouge na vert soko vote rouge c'est que olingi ete o vote vert ye na zo ba peru na moto za ofa na matete na camp vitamine ba to a voté vert na rouge bazalai koleka to yeki na 1970 après matete ndebo mais to andai pe ko kende to yeki Kinshasa ko Kinshasa na nga o ya liboso za na 70 mais to andai ko yeki Kinshasa vacances to zongi ko tourner na bon après matete papa ayé ko matagrad batindi biso na Kambumba wana batongi Kambumba sika na Kambumba to bandali boso na ndako numéro 292 Obiso bano fana descend on a des cousines à maman obiso père moi c'est à soda à fana na numéro 320 tant papa a makisi di sou grade te ba ko kitsa biso na ndako munene na 110 kaka na kambuba après grade de matia suka place papa na biso a kufelaka et zalaki na numéro 13 na numéro 13 to zalaki ko to en face na mwana ya papa bobozo tu as qui en face fait au Kangamaka na grand frère ya général Boteti l'air on a papa Boteti pe mususu na zoye ba ndé place on a ti maman moko na kené na kanti lelo maman moko azalaka na na camp maman numéro 1 to benga kay mobali na zala pilote l'air ango ba uti formé ba pilote militaire ba diasilwa ba aikenjambe même papa na biso siko azalaka rangers bango ba zala formé na nini na Égypte pour bangonde ba silisaka ba guerre ya chaba 1 chaba 2 moba 1 moba 2 wana et puis akendaka kutu e foka nanga papa biso za collègue ya ba général Oleko voilà Mbengama Maindu papa bandosa na général Bolozi musala ne asuke za laki na BDA papa kufi na mbula nini papa kufi na 1980 akufi le 27 décembre 1980 abotama le 25 décembre 1940 akufa na 40 ans trop jeune bakiti oto salelaka anniversaire na ena ndaku yango bakiti e continuera po na matanga na ye babenga kai na réunion moko ya comité central na palais du peuple akenda kuna po na sécurité ya président Mobutu kuna nde malheureusement ba empoisonna kai ay ba ko yipsa bisoka na ndaku ke abeli to akufaka na clinique kinoise le 27 décembre 1980 de tokenda ngamoko papa akufi na zomona alors na oui na j'étais encore petite voilà ouais on a 15 ans papa akufi aux 15 ans bosa ineni botika ina kambumba totika laka na kambumba mama na biso il faut souligner que mama azala malade mama azora problème ya santé si ma yakobota na kikwiti to na kikwiti po biso to fa na kikwiti lere zalaka chef lieu ya province ya Bandundu na lere wana avant ekene na Bandundu papa mtazara commandant de la ville et tant mama uti kobota leki na biso avant dernier a sala depression oui sala ka basi si ma kobota za bakamoko ra izwaka ye siko tant to ye ko koma na Kinshasa ndi kwa leki ya mama na biso azwaka ye bake na ye epana ye pona ko soigner mama e salike papa akufi mama za malade to tikala kawana mengai na bandeko ranga mususu ba famille ba s'organiser ba zuba leki nanga mususu bake na mama kisangani ngai na tikalaka parce que tout le monde disait elle est très intelligente et peut pas partir na za na sœur religieuse mon à lycée ma sœur Marguerite Neve to bando benge koko Neve ba na lycée bo sangani nyoso ba yebi wana za la maneti mama na biso peto za na prof na biso à français madame René Bierler mama ya monsieur Olivier Bierler o ya za siko voilà Olivier Bierler za ndeko nanga pour mama na bango abota bango mi balé Vincent na Olivier alors abota bana ba cité ka bana mibali bongai moi en soi moi ma yele muke na classe des maîtresses à olinga et professeur à olinga yaza prof na biso ya français bando olinga mina koma neti mwana nai alors madame Bierler na sœur Marguerite Neve bango sombe bazaba belge baboya ngana kende babi non elle peut pas arrêter ses études elle va rester je suis resté bande ko na musu bakende ke pa ba famille bakaboli bango tabota bino boni to bota ma 6 basi ni 7 mibali misato ok na bango ya mama na papa pe okay. Papa na biso za epe na bana mususu abota na mwasi mususu bande ko na biso bande ko na nyoso bake iyo tika ina lisasa bonga na tika la na Kinshasa na tanga na ipa tata mwasi na biso na tika ipa tata mwasi na biso me makambo simbaka te na za ofana na kuvain pa ba ma sœur voilà na bango ba ma sœur bo lingwele kite ma posa maele mingi ba c'est ça bazwa ngi ponge ba adopté yo ba zwinga na bandoke ndi er moko pa mama kulutu na biso na mbinza mais sinon na zaraki encadré na ba ma sœur sœur Neve wana classe nini wana secondaire déjà papa kufa na za na deuxième na ngana za dernier promotion ya bato bazwa brevet na lycée Pico na Lemba Hein, j'étais première de la classe avec des bons points. Maman Bazali. Nazala ma la classe na vision Bazali. Moussou Soukoutou na retrouva et awa. Azana ministère environnement, au sala na direction ya. Il y a un assainissement. Ok. Et tanga na e na dozwa na e breve mbala moko. Ok. Nga na zali na lise bo sangani na tanga na madame honorable Henriette Iwamu. Oh. Voilà. Tozala na e baba e kangami. Mm. Na mususu Lili Balu na e bite azawapi. Aba ebisinga azana États-Unis. Tozala na e ba e kangama. Mm. Tozala na mususu ba Patricia akufa. Tangana bane belé, hein. On a très proche de la famille, ti lelo ezali dweni, ma famille dweni bana ya papa Vuzantoko. Vuzantoko c'était le tout premier taximen de la de Kinoa de Kinshasa ici. Alors et pana bango ezala lupango munene bomona croisement Funa na Bokasa. Lupango wana munene ezali côté mon papa Masamuna côté mon papa Vuzantoko. Donc ba religieuse bazio. Ba religieuse bazuinga ti na couvent. Na comment on va na couvent? Via kanga bango basuki. Via couvent bien. Na kanga ba masere basuki. Ti et continuer éduquer kitoko na so vraiment éducation de base à bien ti na ndenge na ekozwa diplôme d'état na ngai. Alors mena balaka trop jeune, mobali na ngai pe à son âme. Docteur Masoudi Kalombo, à mon akana banzela, li c'est tobano que nous sa étude avant la salle examen d'état na to préparé examen d'état bana lycée bana collège Boboto bana Athénée même bana Moamba yesi kwa za na campus tozo que nous bana Moamba to que na bazamba campus ko préparé examen d'état ko tanga po to sa la concurrence ya kuzwa ba point ebele biso za na compétition ya kuzwa ba point ebele ndé na kutana na mobile na ngai et puis Alors, on est en sixième. Après, na eko bala. Na bala juste après que j'ai un diplôme d'État. Oh. Bon, na tangate er moko mo bala boya kina kende classe. Moi bazua ka ndenge zalaka. Pour na lata jupiter mi pende libanda. Sikoyo na fandi inane deza. Mais activisme na ngai ezala ika akuzala bon comme nga bobala zo lingana salaté na sa mbongo te na tanga te na bando fana ndaku na ngai liboso ya libala liboso tant tozai fiancé na bando fana na na lingwala na avenue Bolongo na bosai numéro il faut ezala ba 229 alors après tant to eko bala na ezala ki na avenue na lingwala kaka na Kitega 179 bis nazala ki voisine na mama moko très gentille donc tikala na ebande ko lelo akoma yaya na nga penza ya famille nani mama pia bongo mama leki ya mwasi ya seti yale ok voilà. Donc wana soki nazo tanga batu bose ke histoire ezali eza important eza important to lo bayango et to permettre ngo pe na inviter na biso parce que li solo oyo to émission oyo ba koko na yo ba otala ra yango parce que za histoire ya koko na bango na ya barrière grand parents na bango c'est important ah donc aussi si aux examens d'état malamoro dibala papa a boy kotika yo continue classité do yo vie jeune fille alo nge penza universitaire au sala ngote na sala ngote mais après si ko yo nde na zo betolo di solo ana tozana mampi ale nyo solo bananga yo mwana mwasi wa zakama yele boye tout ça ya zo sala na OCC nan OCZ à l'époque alors papa le pan on a biso pe famille moko très bien to tika la famille ti lelo wana naza mwana bébé mwasi na ye mwasi avi Abdul azo sala a teka kanazan tozai voisine na tozai de locataire mama Christine Monoi yepe azo sala donc ngai na tika la ki jeune mama moko ngamo na tika na ngamo na bate la bana ya mama lupango ya voisine nanga atel enseigne ki mama lupango abota imwa na presque période monanga na omelisa mwana na omelisa pe mwana ya mama lupango kalezala na ona problème ezala ona problème te leo ekoma kilindo na melisa bana ya mama lupango nanga mibale mwana moko mbali difia koma grand garçon na Aurélie abala zana bana so mibale zana Londres na melisa bango melibele nzela mona bana nanga donc tika la mama na tika la mama na ndako siko na période wana Bon, na ebite so tuna mutuna tona lobango na pero na nene na kendaka wenze. Ozobeta isolo. Na 1987 na kendaka wenze. Toza na lingwala na ke wenze na Simbazi kida. Meza wenze ya Pongabi. Na komi kuna na moni mwa mulo yenge moko batebeleza na ba janvier. Le 17 janvier. Le nazo zonga na mona ku bogulu ba garde civil bazo bengana bato bato politique ba sala ki réunion moko awa meeting nzoka ler wana president tenti sekedi wa mulumba ayaka na Kinshasa asala meeting na ponga bi meeting yango pe simbate sikoyo ba opanza bato na maya moto balingi meeting esale mate ngana uti na nga wenzina kitunga na nga oka pou ba kaninga ba botolinga kitunga bangoyo bangoyo na sali nini ba memanga na asanef umoni na yoko jeune fille kalembelembe jeune femme na zadi ana bébé na tiki bébé na ndako alors ba iko kanganga ba bando tuna nga makambo ya IDPS bosala ka réunion wapi bosala nga bi IDPS nini réunion ya likam nini na yebite ba tuninga ko beta ko sala ko déranger ba moni bien bilo na nga nyoso na somba na kitunga epanzani na yebisi ba ngoma kam na binonga na yebite nga na uti wenze et tout ça té bon batalité nanga balobi c'est sûr o ifaza muluba muluba ifaza la yakipe na meeting tant bazo sambi sanga balobi na sambi na sambi bazo comprendre ngate je ne parlais plus nazo lo balisute o ya tuninga na olobata to menacer na olobate nzoka attitude nanga wana ndenge nazo olobate et pesi bango kanda pe pesi bango conviction que o ifaza na kasiki nzoka nde ba attitude ya président Étienne Tshisekedi wa Mulumba zala nango soka asambi une fois deux fois lo bali sous te je ne dis plus rien nenga za ngabe sikoyo na za le mate bazwanga bakotsanga na tonu amai tia wana oh na lala na tonu amai wana deux jours isalanga na za na problème ya tolo na ndako kuna baluka kanga mobali nanga za médecin azana na hôpital na ena aketi 217 croisement mouchi aketi mo centre de santé azako sala pe médecin na poste ba communiquer ba sala ba boy na ibate ba to Croix Rouge nde ba eko découvrir ngai ba bimisanga ba sambisana ba to mususu wana ba lobinga na zakasik na quelques ba to IDPS hein ce qui ba kangi ba to IDPS ba no sala ko tambola na ba kasho et tout kolanda ba to na bisoni ba mo ba ye ba bi mutu na bino mo ba kanga e mwana mwasi moko ba tali ba ye bi elongi na ngate mais comme ba kanga inga na cause ya IDPS ba sympathiser kaka ti ba to Croix Rouge ye bi kutu na ye bi kutu kuta te na zate ba to Croix Rouge destin za makasi c'est ça le destin ba to Croix Rouge international de ba eko misangai ti ba zongi singa na ndaku ba to IDPS sikoyo ba eko tala ba to ba kangai ba ngai siko na koma e curious na bibo ye bisanga na IDPS ya mwana bino wana isa nini na 87 wana de ba komi ko bete na nga masolo ba eko pisa ngai lettre ya 52 pages oyo ba député ba commissaire du peuple dont président Étienne Tshisekedi ba komaka pour dénoncer des problèmes sociaux ya mboka lettre oyo les 13 parlementaires de na tanga lettre 52 pages na bien likama ngonde zabo na koti pe na mulongo tukomo sala réunion na bango tuzo sala réunion na bango na na veni bolongo côté tozala wana et puis bo to évoluer na ba réunion na masolo papa curiosité question de curiosité papa boyo tanga classe abi otika la mama enda c'est ça yo ke kota mama parti pour mais yepe akota kit yepe on a révolte yende na musala ngana sali ya politique pe a son âme yende grand conseiller tango epesa ekanda yepe révolte to tanga lettre 52 pages na yenze la moko ayebi ke bakanganga po na IDPS et si li bisonyo so embarqué to komo kende ba réunion na yikuta za la président sectionnel ya IDPS na lingwala na yoka hommage très émouvant au andaka na ye mokola matanga voilà. Justement pour dire à quel point accompagner yo na carrière politique au Zainem donc ba ta IDPS ba yo convaincre bino anda ko kande ba témoin de Jehovah en fait ndey ba bango ba yaka ko tala biso pour ba sala ko répertorier ba to nini ya IDPS ba kangaka ba ye ko compatir na biso mais biso ndey tango to tuni ba question tu es comme ma convaincu na lettre à 52 pages. Ay bo koti de pèse. To koti biso pou to yesi ango moto na lingwala wana biso na mobile na ngam to chagi lisusu molunge ko leka. Parce que moi je suis touché dans ma chair. Vraiment community Balali pas na ngai ke ne pamba te to bandi musala na entre-temps et ça là il va coïncider tu vois comment la période oyo il y a 1990 Mobutu à sala avant c'est la sala consultation populaire donc consultation populaire bazo tout na Mobutu à lobby ba jeune ba association des femmes ba boyé ba ibisabiso loko nina lingi pour mboka échanger on a tous en la période à préhistorique de tonguru ta penza ba ba besoin na biso ko ba préoccupation ya mboka tout sala yango de yango est constitué car il salaire que Mobutu a salué rango le 24 avril 1990 discours naïe oyo ya ya a salaire rango nancelé le fameux discours le fameux discours d'histoire voilà oyo et salaire rupture il y a dictature et salaire qui est toqué vers la démocratie quoi que a le baralé rango a zara peine raison que est tout ça la trois parties kaka et salaire na ni imper na deux autres parties deux personnes na PDC na banderona et abama passa c'était un peu le langage du président Mobutu à l'époque donc tout ça là en gros bah consultation populaire nga si connait na bando que na banda kwa bato ko recueillir ba idée na bango comme militante comme militante et au ça la paix conjointement ba maman moko boye to créer na bango association éveil de la conscience de la femme éveil de la conscience de la femme et uta wapi netinga na bando fana na nda na bando fana ndako ba situation moko ezo na ndako ba minda ya balabala iku e baby ba terrasse na biso matite ekomi ba salité hein ekomi salité na zoki no kongola o ba kati mai e bandaka la mama kamona ke na kongoli bambongo c'est moi qui était chargé dans les quartiers ya curage ya ba terrasse ya ko zoni sa ba minda na balabala ya ko sala na koma neti moi reference na bomba pe kesi ya ba mama ndapunga na tikala na ngana ndako na bando sa msala ndako donc nzambe so ka destiné ona likambo akulanda o ti place oza ma mamozo lo bana e kokani na mambo komi na ngolelo ya bolo bi force ya destin za makasi na makasi mingi alors inakoma kisiko ko tambola banzela mi ba côté moko IDPS côté mususu association éveil de la conscience de la femme mais a qui créé na maman moko komone Albertine Chituka na utaki omona e dernièrement wa siko azana Belgique ndi a koma kuna et puis to évoluer côté na IDPS na zo évoluer côté na mouvement associatif féminin na zo évoluer tito kenda conférence nationale na 92 ti ba eko kanga conférence nationale le 16 février to marcha pour conférence nationale et fungwama na ba sœur Petronelle na ba bandeko Thierry Landou ndoyina yo Thierry Landou professeur na ba tebele ba association ya ba maman tout ça la ba marche pour na 1940 marche ba boma ba quartier marche ba chrétien au marcha na marcha marche ba chrétien aucune idée que danger zali bosso na biso to kufa to bimi dimanche na église to biso to utaki na 5 iwanuka to bimi na lingwala marche na papa papa bimakate yazala de garde na hôpital baba wana za osala munganga azala de garde ngana tongo na bimaka na zana bokilo na ngata tamo si ambali na ngaza ai pana ngana bise shangazi tikala na bana tongo bimaka mesi na baramo biso wana na balabala ko senga bi côté na biso zaina 24 to meto litaka to komaka ti jonction na biso zala to kutala na Saint Joseph na kasa na vitwa na matongi ne sika masasi pe betaka mingi sika batu bakufa pe bakufa ebele et puis bakufa pe ebele na 24 novembre pour to franchir kan kokolo wana to bima to komati na na nini na IEM to zao benga kala to bima na balabala na vitwa ezala vraiment benda bika donc ti suka suka pe conférence yaka kufungwama alors ngai siko nazalaka délégué na conférence te biso zaki bato to sa libanda ko pesa ba élément mutu to pesa ka na compte ya association ya ba mama izalaka Marie Ange Lukiana kaka mama Marie ye ma Marie Ange Lukiana moko mta memaka toujours ba ba biloko ya ba mama po na ko pesa na ba association féminine ya ba société civile na lero wana mama na lingi poli solo émission ezara pe malamu to beta masolo yo obeta te na yo découvrir que marcha le 16 février mais comment ça s'est passé tant wa masasi wana lokito bokimaka bopanzana o se retrouva wapi ozonga nda ko ndengeni bon pona ko loba ya solo au départ ko banga nde sala ke muta kima neti to mona na likamu ndengwa na liboso te tozala na idete ke bakoki ko beta masasi ti ko boma bat tozalaka batu na batu basimba baramo selon ba conviction na ba musu ba simba ba crucifi hein ba simbi ba ikulusu alors lera ngoto zaki na ba abe Noel abe Jim nazoyeba bo sikoyo mobali nanga azala musulman nga za famille chrétien mobali nanga famille musulmane mais na ki ko adere na islam mais na marche wana za ka marche de chrétien te na ba musulman na ba chrétien na ba église de réveil problème na biso élément fédérateur za ki réouverture la conférence tango toyé et ba bandi massa c'est bandi ko beta ba tout moko ba zeko bisa biso ba ba policier car la garde civile là on va bien avoir la garde civile gendarme te la garde civile bazo le baboki maboki ma biso to na bino na likamute bangole bazan mobutu président mobutu a utilisé ka ba lié na e ba armée angolaise bango bazai ko tirer sans pitié ezai na 24 novembre na wana kokima comme tel ba to bakimaka mais mingi bakimate to baloka na liboke l'esprit qui était là ba prof Thierry Land bazai ko biso so ki bo panzani Oya vous allez yemoko à beaucoup faire mais c'est pour quand même liboke vous allez sécuriser tous aïka en masse bon bango siko ezo sala ke batu baza tellement belé ba beta en masse ba okokate me ba beta ki yango bongo na na matongi bibembe zala ki belé na matongi place zala ki rouge na côté na biso zala ki 24 novembre na IM ne masa se beta imakasi et puis na victoire ne masa se beta imakasi zala isomo alors toi qui consomme un endroit où on a na bombana qui na après l'air ba milinga ba makambole qui tu vois maki na bagaz tu bombana na avenue moko bolia na matongi avenue bolia tu es que bombana un endroit où moko wana et après toi qui consomme un endroit où sima mais population bazala ki vraiment na bolingo makasi batu baobwa ki na biso ba mushwara mai baobwa ki na biso ba kantine ya mai bazobwa ki pozo sa miti pasi na miso tozo ba vix na miso piripiri baobwa ki na biso ba mai baopesa biso ba milanga ya mai et puis ba tie sumena mai bo babwa ki lio bino so kangiango boye bozo respirer malam c'était vraiment ba serie wana na ovana na na Pascal na Massina ozai bebet oui nazamo amke mais na mona ki parce que mon père a marché aussi et puis Pascal on est parmi ba point chaud ba tu représente ça la magipe mais souvenir nazal en par rapport à mambo zolo ba ma ezali ke lupang na biso ezali na clôture te donc ezali pemé na prince ne balobaka ba tu belé ba marché ki tang bazo ki mama sasi na ba gaz bazali ko Alors, marche à Eleki, conférence nationale Fungwami. Et Fungwami. Bino Bokomisko, Kopesa, na cadre association na bino ba mama. Tozo pesa ba ide. Na mama Marie. Mama Marie-Ange Lukiana. Na kote ya IDPS, ba délégué na biso pe ba zalaï. Moment kitoko ya IDPS zalaï na conférence nationale era élection ya Obimisa premier ministre. Élection on a tout préparé ba makambo batubalala te avec mon père tongo sa qui résultat de vrai résultat bimi président tu sais que du coup toi ça la ta discours te tant ba tout ne ba question le baka momoko changement wa sal mo bimbe gangi mais il était énigmatique obeta li solo na obeta li solo na oui ba six image tant ba à l'équipe ko na ba voix avant dika calme ba bazo ya autour de lui ya fani na e calme mais charisme si koyo donc voilà ayeko leka tubani mais et c'est mon angoisse suka ka na nzela po gouvernement ngo pe atiaka esuka ka na science et gouvernement ka na science et na ninga bando okende ba bansele wana bangona mobutu ko solola po na liste ya kubongisa gouvernement alors ba solona mo président mobutu tête à tête président Mobutu a pesé moi combo moi papier moko aide mais moi na combo a bateau il faut pas bima na gouvernement il a su à tchao na poche ayeko bima libanda interview bimisa sur papier en gros regardez le nom qu'il m'a donné na pesa président Mobutu kanda ni kamonga na émission ya secret que moi combo mutu we mutu we ezanga te ne bebi sa ba makambo ebele donc bon to linga peto changer bizale langue za moi passe nga mo pe na misa la mo reproche na za munoko polele mingi na boka ko bomba makamu bon to zonga justement na li solo na yo a partir de là ou évoluer nengi nini na IDPS a partir de là na automatique na niveau que voilà. Za la parmi ba délégué dialogue inter-congolais dans l'Afrique du Sud. Bon, nous avons évolué parallèle côté mon IDPS, côté mon société civile, mouvement féminin. Mm. Et là, on peut dire que qui a évolué bien dans l'IDPS, d'abord, il y a courage, engagement, comme on était avec mon mari, côté sous ma formation. Pour côté, il y a société civile, le mouvement féminin, nous avons un peu plus ou moins plus jeune, n'a participé à un processus union. Oyo société civile, ma véritable société civile, tu as qui force et tampon, et ça te net il est là, et comme il soit civilement politique ou politiquement civil. Tu as qui les Rwanda, pour na koluka masse critique, moko ya sika ko changer ma camp. Donc, ba réunion, so ba renforcement des capacités, salema na centre Nganda, na centre Terizanium, toko kende wapi, nana zara kaka rapporteur. Donc, j'étais prenza la mémoire de la société civile. Malgré niveau na yo malgré niveau d'études gars D6 na ngai wana kaka rapporteur ngai na zo formation a bien niveau na ngai za ka rapporteur si ko côté a IDPS tanga na zo moi mayele wana na zo na société civile na commune IDPS ba intervention na ngai za kaka cadré neti moi bâtir cadré Mutabando linganga mingi ezalai mukubwa Freddy Preza kibasa mali Freddy Renyo bando sale me pa na yi soit ka ba poser ba kinga na dit parole soit na poser question soit na sa l'amendement soit na lobel oyo kaka ah elle va s'asseoir ici devant Freddy kibasa mali babando linganga mingi alors yé pe muta kopoza ke na kota na comité ta onaza na niveau ya section nazaki section FIDPS donc les femmes de l'IDPS na lingwala mobali na nazaki ki présent ya IDPS mobima nga siko na eko koma responsable ya femme na lingwala après mukubwa Freddy a eko koma yeko tia ngai adjoint na ya FIDPS na secrétariat national po wana tozalaki na maman tota laba o yazala mwasi ya papa kiungwa kimwanda ndazaka changer ba femme nazalana na comité te après maman tota yeko koma mama Yvonne Busango ndenga ina yeko koma adjoint ya mama Yvonne Busango pour les femmes et de l'IDPS après mama Yvonne période wana mwa ba conflit yeko kota entre président Tshisekedi na président Kibasa akota na gouvernement te et pas ya président Mobutu asa ministre des sports et tout pour biso skoto za na elle ya Etienne Tshisekedi opposition opposition radicale vous pouvez appeler ça comme ça pour le monde à l'époque on appelait ça comme ça radical opposant ba keguna ba sombi bango bino botika na président Tshisekedi sikoyo côté wana te kozwa secrétaire général na biso docteur Adrien Pongo pe à son âme ndé ayé ko sala pe comité ayé ko tia nani mama moko tozala ki na ye wana avant mama Tumbaziza le nom va venir siko nga biso te ko ma adjoint tozwi des adjoint na ngai na na mama mususu de koko ma badjunt ngana sai chaze ba question politique on a ligue des femmes ligue des femmes de l'IDPS la fille des PS to zaiko pena au côté penza na niveau national na comme pour ça la moi ba tourner ko kende ba Congo central ba Équateur ba Kisangani ngai mutu natia siège ya IDPS na Kisangani na fungola na ba Congo na boy ba bisika nso na bando ke pona bando linga ma mo makambo sale manandenga ya série na zo misusu na question ya curiosité eza ma maliba na me photo tuna papa boyo continue yo mwana mayele ba mamelo bazio ba adopté pona mayele na yo papa boyi o continue université po vana na ndako oboko lele bana mais ndenge ni na ndimi on s'éclater boye on se mouvoir na kati ya parti le rôle à IDPS kasi pour intérêt na yete ye pa eko comme membre à comité national ya IDPS tozo kende ba réunion na ye ye pa zo le kuta o rappeler na réunion na comité national ba réunion ba mama e kozala tel oui ba loba ki boye azayi ko banga te terrain azo banga te lui il était vraiment quelqu'un de conviction non na sens ya exposer mon long ali na ye te azayi ko banga te pour ye pa azayi na kati tozayi tout le temps ensemble pour tous ceux qui ne naie bisonyos on a des lingas qui mais il faut dire là na comme na comité national na ba intervention nga président Tshisekedi a eko découvrir nga nani maître nani maître Mulumba oui maître Mulumba avocat a eko découvrir nga zala directeur ya cabinet naie na papa Marcel Mbayo Marcel Mbayo, on a autant que c'est la mémoire de l'UDPS, mais plus la mémoire du président Étienne Tshisekedi. Marcel Mbayo a commencé à être l'assistant du président Étienne Tshisekedi en 1966. Kino Lelo, Ndenge Bakabwani, président Koufi, mais il y a Zana Nwanvi. C'est lui qui détient la mémoire vraiment. Ayebi Nyonso et Tali, ceux qui m'ont dit comme le solo du président Étienne Tshisekedi, tout n'a Marcel Mbayo. Christian, nous savons qu'on a l'oukaye pour une émission. Malam ou l'oukaye. C'est très important. C'est très important. Surtout que le président Tshisekedi de son vivant a comité de lui-même. Voilà. Hein, les photos, les circonstances, les problèmes publics et privés. Mémoire, naïe, c'est Marcel Mbayo. Son assistant. Mapasa. Alors, d'ailleurs, nous avons dit qu'il y a un peu président Tshisekedi ayeko loba na kota na association moto za na regroupement moto benga ngo Cerepro cercle de réflexion et de prospection pour l'UDPS ba discours nyonso président Tshisekedi abande au sala ma kamunyo se so kana cercle wana. Alors j'étais devenu membre à Cerepro na sous commission nango relax relation extérieure commission sociopolitique commission politique ezala qui dirigeait na papa Moko Martin Chibangu tozo benga academia mukole école academia alors et puis ngai nazala ki na sous commission relation extérieure na diplomatie muto azala ki président à commission anangai rapporteur mes amis rapporteur président à commission azala ki ambassadeur Kaninda au moins na ye azale lo présidente ya nini ya cercle di ama ya Glencore ya nini oui Chantal Kaninda c'est son père qui fut mon président dans ses repos ngai na diplomatie donc les discours volaient relations avec ses volets diplomatiques c'est nous qui écrivons les discours c'est nous qui faisions les réflexions donc au tas là-bas journaux au monde entier les informations au monde entier j'ai fait un condensé j'ai fait des notes techniques je vais remettre chaque soir au président Étienne Tshisekedi les soirs tous avec Okutana parfois tous les foufou ensemble n'alimenter kuna n'alimenter na pétunia c'est maman Ayebi maman Ayebi maman Bazaiba masolo oui donc na koma ki siko na précaré moi na papa Tshisekedi oui le carré le petit carré restreint de président Tshisekedi ba ko panza batuboye je suis là. Il y a moi, je suis là, Marcel Mbayo, Moussousou Jean-Baptiste Moulumba, Akoufa, na Maître Mukendi, paix à son âme. Voilà. Alors, maman, Nayinaïba, à l'époque, UDPS, c'est ça qui est en termes d'organisation et de formation des militants et cadres. Parce que UDPS, c'est banni dans le contexte où il y a dictature. Il y a un lobby que rencontre dans notre destin, dans notre salle, que tu es comme militante, tu es un peu été. Mais si tu es un dans un cercle réduit, il y a papa Étienne Tshisekedi. Il y a un formé, il y a une idéologie à partir dans le contexte. Oui, il y a le président Tshisekedi a un peu de auto-formation. Il y a une grande ligne. Il ne faut jamais avoir peur de défendre vos droits. La peur, c'est l'ennemi. Mais formation, bisomoko. Natangelio, c'est repro. Tout ça, il y a deux regroupements. On a moi, bah, groupe, on a c'est repro, cercle de réflexion, de prospection. Ils ont été dirigés par Marcel Mbayo. Puis, nous sommes tous les gens Colline. Ils ont été dirigés par le secrétaire général adjoint Kabango Olivier. On a des places bas prof calé les bas qui bas savant y a des places bas tout neti calé les à quoi que nous ça la bas idée néni ni tout ça bas formation alors calé les bas qui peut secrétaire national y a idéologie et formation à banesh ko kozo bas idéologie à bas sociodémocrate tout ça y ça la mingi bas séminaire d'ailleurs tant que zolo bananga niveau na yo néni ni boy néni ni muto akoti sanga classe na université je dois ça au professeur calé les Kabila. Kalele Abenganga Ibisanga, moi je vais parler à ton mari. Tu as un niveau, tu as un bagage. Nous sommes un parti politique. Ceux qui l'ont toqué n'a pouvoir. Ceux qui balobi l'ont pas nommé bato. Tu es parmi bato. Oh yo bako yiko dirige mboka yo. Mais niveau d'études na yo est amouké. Et sengeli ozonga classe. Kalele mutati na na kene komi komisa na université Cardinal Malula, professeur Kalele. Papa Ndima. papa andimaka. Au début, il y a un peu hésitant. Au début, on a dit andimaka. Tobanaka na université Cardinal Malulu est na Kingabwa. Ndako ngana zo fana na Kingabwa, c'est à deux pas de la maison. Nde wana andimaki et puis mutazalaki secrétaire général académique kuna papa nzeza mobali ya mama tumba nzeza wazalaki ministre des affaires étrangères vraiment mobali na ende secrétaire général académique basololi na professeur Kalele basololi na mobali na ngai komani kamandengwa ndi na iko kota classe heureusement pe na zaimo a mayele ba prof na ngai batangisa na kuna neti prof Kalinje soko azawa na koiko loba na tanga kuna mais après Mikolango pe umela kito ndire Kalele azalaka prophète et umeli pe mikolote ndenge na yiko koma na ba étape mususu et saraka kena poursuivre siko classe nanga na UPC d'accord to zonga wana je rappelle siko tuna question moko important formation na zonga la préciser ka ke mama Tumba Nzeza eza wazala ki ministre des affaires étrangères na gouvernement Ilunkamba na 2019 voilà. Zaki ye wana mobali na esiko nde secrétaire général académique tanga na kota ki classe ya ki mukolo okoti na ajinini na classe na koti na ajinini na koti na sina comme si 35 ans ouf étudiant ta mukolo étudiant bon na IPC na IPC na za étudiant et na mukolo wana za na sena na kota na IPC na IPC na na sena mais tant koti na cardinal Malula ozai na bana boni déjà na ndako bon na za déjà na bana ka nyoso na bota bana nyoso ah na sisi robota osisi robota na sisi robota na sisi robota na mwana suka na sisi robota donc na tout la question sur une formation donc to bando sala ba formation ba formation ba séminaire de tout ça ba séminaire ebelé ko trans ko transmettre intelligence ngamo pe na komaka pe formatrice ce qui na tangi ba li problème na ngeza na tanga ka mingi na tanga ba livre ebelé ezala ba roman policier ezala ba livre neti ngana za ki jeune afrique ko iko bimate soke bina oze lango à l'avance il faut na tanga ba makamnyoso ba Paris match na otanga ba livre écrit par banani ba écrivain français nyonso ba Voltaire banani na tanga kutu ba roman policier ba San Antonio na tanga ba sasa ya sonne soki ba SAS wana po depuis na classe na bando tanga ba kwakuna bakalao ngai vraiment o nzamba pesa ngai vraiment facilité za kotanga je n'ai jamais manqué un livre na mon chevet donc mais au profitant d'un moment là pour aller voir la ndaku voilà pour se former et puis voilà et au côté na partie go en école voilà na bana peut former bato makamu na zozo na société civile na zo former bato IDPS ko former sur le leadership formation sur la démocratie formation sur la bonne gouvernance formation sur le leadership féminin nyonso même question économique vous savez bah président Tshisekedi a salaka sorti mon coach na wana na ba Tshisekedi Etienne a salaka sorti mon coach économique na grand hôtel à l'époque Zaki Intercontinental l'air ango de sénateur Mabi Mulumba azala na cour des comptes to bengi saka payé azala wana bango bazana côté à pouvoir biso to zana opposition to lingai to la kisake na opposition ce n'est pas seulement les questions politiques politiciennes mais c'est aussi l'économie du pays to prépara conférence wana na ba Jean-Baptiste Mulumba paix à son âme yem to zala ki secrétaire national en charge à question économique nangai na zala ki na sala ki travail ba recherche sur les institutions de Bretton Woods nyonso sur le développement makambo ba objectif ya PNUD et comment le développement ya ba pays du tiers monde ya pays en voie de développement tout ça comment sortir un pays de la pauvreté avant tout comme un objectif du millénaire pour le développement. J'avais écrit ça, nous avions tout préparé, on l'avait présenté au président Tshisekedi. Et l'autre, il y a un casse-inde, il y a un casse-inde, il y a un discours, il y a un tanikabwe, à intérioriser, à tchè papier, na bino pembeni, il lance la matière. Wow. Donc c'est le style que nous avons, nous tous. Il y a un collecte, na discours, na lingara, na tali discours, même, ba expert, ba pesinga, na tia mo pembeni, je sors maintenant la matière. L'autre voilà. Question de curiosité. Côtoyer Étienne Tshisekedi à l'époque, c'était un vrai privilège. C'est ça. Un vrai privilège. Leader charismatique, il y a opposition, dans le contexte où on a. Comment ça s'est passé au quotidien? Yo jeune maman, yo militante, même si au gravir ba échelon déjà atteindre cercle wana koyaka presque mi colonion so comme melakaé ko ça il a remo revue de presse ko ça il a remo situation na ba papa Marcel Mbayo etc. Comment ça s'est passé et quel genre de personne azalaki vis-à-vis na bino? Bon, azalaki mutu moko très ouvert mais strict et sévère. Yé moko mutu ayebi ko démicher. Bon, évidemment, Nzambe pe na kati. Pour ceux qui ont lobby ka ali kamunanga, il faut président se pe la nam. Et puis, président connaissait mon comportement. Mm. Moi, parenthèse, n'aibi soa, ou ebi ke kombo o batu waloba taliban, taliban, devant témoin, c'est le président Tshisekedi qui m'avait nommé taliban. Oh, bien. Et zala ki, so ki bazo loba makamunga, bando linga makamba pembe nite. So ki président ayebi déjà comportement nangai, ayebi ne nga na zala kanani nga makamba nyamu nyamute exactement comme yé. Ce qui bazo tonga moi li kamuna zo ya au mona ebisi bato arrêter ces dossiers là taliban est en train de venir ce qui a yé awa oya au panza bino au mona bato ba seki alors ça irritait un peu les autres pour dire ah, comment président abanga kamoyo moyo so ito zo lo bali kamuna biso to yé fo mama pe kisa bref muta yé bien ngopé Rémi Massamba Rémi Massamba qui était l'honorable notre secrétaire général qui m'appréciait aussi beaucoup donc taliban de babenga ba militaire il dépense président est Kolo Kombo Ezangai. Abana obenga onde mama bazaiba. Ba o wango ba mi pesa taliban wana ya mi pesa. Ba yebi sans na moto. Ba temwe bazali ba oko tuna na secrétaire général Rémi Massamba o yebi sabango ba tuna na Marcel Mbayo a o yebi sabango. Même papa Floribert Tendai. Floribert Tendai kuzu de mutazali ko seka lobi ndenge nini président azobenga yo taliban. Alors, bana lobela kotoyé Étienne Tshisekedi au quotidien. Ouvana nae, kolia nae, kosola nae, namona batumi, pouba la xarazae, poche nae, a obimi sa photo nae, etc. Mais yo su privilège, wana déjà à l'époque. Comment ça se passe? Yé moko mtabando linga, chaque pokwa, soye koumba 18h30, 19h, toke pa nae, po ape sa biso ba masolo, tope se ma information, on partage l'information. Soki mokolo na yete, atuninga, po na nini mama ya kite. Masolo to kosola nae, po nga bando kene mingi na media. Azai ko sepela na expression nangai. Donc c'est moi qui était comme porte-parole de temps en temps, ba émission. Ya makambe ya IDP Skoloba, surtout là, tu as na San City. Mbala li boso le ka na télévision, comme militante ya IDP Skoloba. Ah, na oye bateza, ba interview, mbala li boso, ezala ki interview, et le kaka na BBC, na La Voix de l'Amérique, avec Ferdinand Ferrella à l'époque. Yende mutabandai personne, na bie mutabandai kolinga, kolobisanga minge, ezala ki radiophonique. Alors, après wana siko yende, collecte Bachmann, na koma ko lukangai, na ba Sonia Rollet, à l'époque, ba bazo lukangai, voilà. Alors, na Jean-Karine Fall, na zoye balisousou, journaliste. Je veux aussi savoir... Les lots est comment pratiquement incompatible. Vous à la même temps militante active, plutôt activiste et à société civile, et puis militante active, plutôt cadre et à parti politique. Comment yo banay ko sangisanyo somi balewana? C'est ça. C'était un peu bizarre, hein? Pour mingi pe bazalaki na kananga mais bazalaki ba hypocrite. Basi ebele tozali na bana ba association. Bazaraki ba membre ya ba parti politique mais il voulait pas se faire connaître. Bon, au moni muto okoza loza politique mais oza pe société civile quelque part, les amis de les étudiants de les ressortissants de oza pe société civile. Mais nga siko na zaisi ko na mouvement féminin à droit de l'homme. J'essayais, je savais, mais je prenais plus les questions de société civile na zo memango na IDPS en termes de renforcement des capacités parce qu'on avait besoin. Le courage était là mais il y avait un problème aussi des connaissances. Sens niveau hein ezalaki mingi l'IDP c'est le parti du peuple ba mingi ba désévré ba tout ba tangaté ndenge tozalaka na ba niveau net yanga ngana eko parfaire niveau nanga grâce à Dieu na ki mukolo titi na zui ba licence oyo na zana ngo siko na komi avocat ce n'est pas il est donné à tout le monde donc ndenge wana ndeka tozalaki ko voulu tozo masiko na cursus na yo pe na lisolo na yo même si c'est trop rattaché à l'IDP Otangi, papa Ndimi Otanga, Otangi, na cardinal Maloula. Aussi si classe. Na si si na cardinal Maloula. Aussi gradé. Aussi ligne droit. Na sala ki relation internationale. Pour ani. Bon, C'était ça. J'étais plus dans la diplomatie. J'aimais beaucoup la diplomatie. Mais là, on a bandeau lingakala. Et ça a journaliste. Mais il y a une femme qui m'inspirait en son temps. C'était mon bon Gonquière. Nakutana Penaye. Journaliste à Kala, nakutana né à Londres. Et puis, na niveau politique, nous avons inspiré nga mingi modèle nga ezali père à son âme, maman Adrienne Kilalionda. Je me disais, si je dois faire la politique, je fais des relations internationales, c'est plus la diplomatie. Nabando linga vraiment diplomatie, avant na sala relation internationale. Mais après, j'ai fait aussi le droit public international de na UPC. Na UPC. Oui, voilà. Mais tous en aussi si na cadre, mais aussi qu'à graduer. Na Zuka gradué. Ok. Alors. Après, na eko bandela lisusu cursus na UPC ti na kiosu. Voilà, tant qu'on commis sénatrice. Là, na commis sénatrice na lobby, je dois maintenant utiliser na renforcer capacité nanga. Parce que en dehors ya cursus normal, wana na tanga pe mingi, j'ai fait la pratique internationale de la pratique des négociations internationales à Genève pendant 2 ans. Na sala droit international les droits humains na Montréal na université Sainte-Anne de Bellevue. Bon ils allaient ba courte distance ba jour ya ba étude moko DS ba étude en dehors de l'université na université de Sainte-Anne de Bellevue j'ai fait les droits de l'homme na Siri Sakuna pendant 2 ans aussi 2 ans pe na sala na université na Genève pratique internationale et à négociation bagage wana de sala ke na za apte na dialogue intercongolais. Bon, na université ya awa, ndenge no bi na sala droit public international, ba prof nanga bazali, ba Toussaint Chilombo, Njoli, ba prof Njoli, Jacques Njoli, prof Mbanda, ya droit pénal spécial, ba prof nangai, oyaza sikoyo na cour constitutionnelle. Alors, osa témoignage que classe est en sonité. Classe est en HD. Tu as dit que dernièrement, Francis Kalombo, a été mis sur le sol, un jeune de Bandala, a eu un diplôme, rêve à Poto, à Kepoto, et là où tu défends thèse, devant le professeur Jolina Batonios. Maman Bazaï, a eu D6 à côté activisme, dans la société civile, dans le parti politique. Tu as 35 ans. À zone université à Tangi à parfaire formation à travers ba formation nyo so azui et les loyo azali mama mineta na biso en matière ya environnement. Alors to cheminer na to accélérer un peu na IDPS combat les années 90 et puis AFDL et au Kota. Parce qu'il faut rappeler que bakanga yo pe bakanga mama Eve Bazaï ba bakanga yo sous Mobutu. Comment ça s'est passé? Bon, tant que AFDL et Koti, Bazoya, les 17 mai, on a. T'es sous Mobutu, non? Ah, sous Mobutu, il y a un lobby, sous Mobutu, il y a un Bakanganga, na Asanef. Ah, la Sanef, c'était parti. Sous Mouze, Ezaraki, d'abord, tant que AFDL et Yé, Batunio, ce AFDL, Bayaki, Nandakuna, ba Kadogo, Ananios. Oh. Bah la kisi ba ngonda ko ya mutu ya IDPS yango. Dang ba oya na makolo na ba botine na makamisu ba yaka olale pananga. Le 17 mai. Le 17 mai ba 1997 ba lale pananga ebele na lesa bango ebele ba yende ko boma na pananga ko maneti refuge ambassade ba msu azana ba pota na makolo na ba botine ba msu suboy ba fane pananga. Donc ba mona y référence na bango e pananga. Donc na yaki bokoma une personnalité pe e pananga bango na yebani. Le président Mouzé Laurent Désiré Kabila et Sikani ni IDPS to yokanaki na été tant nanu avant le 17 mai le 15 mars déjà les akomaki na Kisangani à suspendre ba activité à parti politique alors que marche na mobimbazo ya chaque mboka o ya zokoma tant bazo ke na ba stade pour na ko installer gouvernance ya sika ba président fédéral ya IDPS ne bazo koma ba gouverneur Chadari, na Kindu. Pour la série, on est qui a autour la population. Président fédéral IDPS. Nanini, na Goma, il est IDPS. Bango bakoma qui na Kindu, Chadari, Ramazani Chadari. Président fédéral IDPS, il y a mon esaraki. Bakoma na Kisangani, Yagi Sitolo, docteur, il président fédéral IDPS. Il y a un taïki au coma gouverneur. Tout ça qui ne marche bien. Mais après, il y a un coma. A peu ici ma activité à parti politique, a peu ici même ma président fédéral na bisoana, pas ça la ba réunion ya IDPS. Ba militant et ba tozben on ba combattant IDPS ba otinde la biso ba message, ceux qui ba ni ba ça la réunion, ko ya les sous na drapeau ya IDPS. Si ko mais a eko senga président Tshisekedi ba kutana na, et président le bi OK d'accord. Il y a comme un président, il fait un charisme, il y a un ambassadeur banane bazo ye pa na limite. Mouze Kabila aboyi ko kene kuna biso to bitel loko la mitié président déjà yo il faut kende kaka ya lobi na ko kende muko la rendez-vous un président Mouze Kabila Laurent a sali rendez-vous en raison à grand hôtel. Deuxièmement oleya ya atindi Bugera bangona nani Bugera bangona Bizi Makara. Ne si quoi président Tshisekedi détient le but. Non que nous solo là d'abord. Je ne veux pas à terminer le bail. Je ne peux pas parler à ses enfants et dans un débit de boisson des questions du pays. Nana nina solo la caranaye. Aboyi rencontre. Bamoumi balé tête à tête. Mon problème est si si on pensait à Salemaki wana alors que Bisonde to Salavi que marche wana et ça toutes les villes tombent sans combat parce que le président Tshisekedi avait lancé les mots à tous les militaires de déposer les armes bitumbez à affrontement ils allaient à part affrontement oh et Salemaki na kenge awa ben président Mobutu na sima bazoua il faut quand même affrontement Salemaki basa la bouclier bakota na Kinshasa te mais toutes les villes tombaient sans combat. À partir à on a président Étienne à Salina Bisso réunion à l'obi, ce monsieur là ne m'inspire plus confiance pour le pays. Ne place ma kamekende iko beba à Salipé gouvernement naé na décret 003 wana. Na président Tshisekedi derrière l'obi la Rwanda na ba ba yagina. Wana ezalaki na 98 eh. Okay. Aibisi bango ba Rwanda bazonga ceux qui nyongo ezali to kufuta ba nyongo na bino. Donc si si on a na biso Salemi président Moïse Laurent Désiré Kabila Sali gouvernement Manaye na décret 003 naye a sali constituante parlement naye a poni bato a lingi bato ya IDPS ba kotate biso ba mama IDPS to s'organiser ki to monaye a beni biso ba crocodile je ne peux pas voir ces femmes crocodile na ibiti la nina benga nga crocodile te et to naye ba tete na terme wana te nde aye ko sala makamu naye akomo sala makamu naye na nde naye e komi de opposition. C'était vraiment regrettable parce qu'on a raté, il y avait déviation il y a l'ICAM. Bon, nandenge ba assassinat wana et koko matrice. Bon, bakanga ka ndenini. Na sikona banda ko gérer bango ti na ko benga na bango ti. Bato wana nyoso rabi. Oh, biso rabi nyo pe boyoka nezate mokonza bino na mokonza nanga bazoyoka na te. Na bengani bango ti na bando linga lesusu ko tolérer bango te na komi pe ko dénoncer ba makambo e ba contrat léonais ba bandai ko sala makamba ba minerai makamba ba boye surtout na Lubumbashi ba sali ba contrat na ba américain na ba nani makamba les dénonciation un jour na kenaka TKM ko sala émission Telekini Malebo à l'époque na sala émission nga pe na na pupula makamba nanga pupula ko bima na zo bima bazananga wana 97 kaka te wana to koma deja na ba négociation zo la pe ba période ba négociation zo salema na ezalaki entre 98 na 99 wana to ba accord ya Lusaka zo ba discussion zo salema na accord de Lusaka po ko signer accord de Lusaka sala mwa mindondo ba tu ya RCD ba tu ya MLC ba bandai kolinga to maluwa kalobaki on qui va signer ko magi ba RCD belé décision ezalaka ke ba ngonyo soka ba tia ba komo na mba signe après komo voilà si ko période ango wana pe ngai comme naibisi bino ke nazaraki bakanginga nanu l'air bakanginga bato babimisa kanga kuna c'était le gouvernement suisse ne basala ba négociation oui voilà makele les salemi au niveau international bakanginga pondé nazaraka formé par les suisses sur la pratique des négociations internationales j'étais aussi consultante na ambassade na bango ya Suisse ko yebisa bango sur toutes les questions politiques na bande ko pesa overview donc view mobimba ya politique pour na gouvernement suisse ba implémenter politique na bango na République démocratique du Congo. Ce n'était pas très officiel mais nazai consultante nazai ko lia mo akwanga na nga wana donc alors makangio makele les makanginga makele les salemi ti ba eko bimisanga au bout de 4 jours hein, au bout de 4 jours ti ba eko bimisangai. Alors, na bimi na zongi na ndako, ndako na ngape ba perquisition na ki na jusque vraiment au fond, ba kuti na bango mando kite eloko mon kote. Alors, tang ba eko bimisangai, na eko kota pe na programme ya, ya mouvement féminin, Women as Partner for Peace in Africa, WOPA, pour amener les femmes au dialogue inter-congolais, to bandisiko kubundela, makambi ya négociation. Société civile au tikate. Na tikate, na ba papa na biso kandolo à l'époque, campagne, to sali campagne pour la, la paix, to sali angope, to sali ba, na mema basina, collègue na ngamoko, Élisée Dimanja, to sala ki programme ya komema basina négociation, na nengetu yoko kena négociation. Comment ça s'est passé? Parce que yo kena na kota ya IDPS na. Nga na kena na kota ya IDPS na zaki l'un des délégués à IDPS. Bozaki. IDPS to zayi na 4 délégués présents. Etienne Tshiseke du Amulumba, Valentin Mubake, Docteur Mpuila Nangai. Docteur Mpuila ya IDPS na azali représentant IDPS na Belgique, Nangai comme ba délégué. Wana wana neni ba ponika. Bon. Poniyo yo peka mwasika ka yo moko. Likambo ezala likambo. Po bati anga délégué, ngai kutu soki na kene ke délégué à IDPS te na ngai nazala délégué na côté ya facilitation pour na ibisi na zaki consultant ya gouvernement suisse. Gouvernement suisse ndazali ko appuyer pe ba dialogue wana na ngai nazala ka na kuna mais na compte union européenne peut-être un peu dans, dans à l'arrière pour na opé ça va donner pour na zalaki na vie mobimba ya société civile na ya politique si ko présent ce que dit ayeko ponanga vu compétence nangai wana koma inani na parti nazalaki secrétaire national chargé des relations avec le comité d'accompagnement de la transition. Okay. Nazali neti ministre des affaires étrangères il y a parti il y a parti voilà. Okay. Siko président Mtaponakio. Président Tshisekedi yemo Mtaponanga bengingai alobi tu vas être notre délégué au dialogue. Na comment il ah, délégué au dialogue ya IDPS eza ofele. Siko so za délégué na côté Union européenne eza na mbongo. To discuter na mobali nanga lobi c'est mieux de servir le pays que de servir le, les autres en attendant la. Voilà papa zongi moi si ma maman IDPS. Hein. Membre ati a kufi wa kompani na MLC mais tant to longwa ki bison so fonctionner asuka comité national na ba Valentin Mubaki mais mon papa mama le gars na moya papa ya za ki ronda l'homme ouais derrière une grande femme c'est un grand homme aussi alors si ko na lingina loba likambo ya délégué wana anecdote moko eza wana eza likambo tango ba désigner ngai parmi les 4 délégués beaucoup des cadres au cadre IDPS basilika ki makasi président afandi sibiso nyonso comme ezali kambo ya mabe penza ma wana olinga otanga kombo abatu te me bato wana bamsu baza anvi bamsusu bakufa président afandi sibiso nyonso alobi pona nini bolingi mama eva kendete oyebi raison balobi oh c'est une femme ah mais c'est une femme le problème c'est quoi. Oh, c'est une femme, c'est une jeune femme. Où est-ce que négociation on a? Ils allent tourner mon comme une nezama kamamine neska ni bali baso que nous avons décision en boka. Moi si à quoi il faut kendete po et qu'on a na ba période mon quoi à cause à la impure. Ba période na ye à menstruation. À quoi nous participer na réunion d'engenine. Je vous dis. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Et pire encore, tant que tous allaient qui na sans city na dialogue inter congolais. Babando kenena mama Marthe. Batu ya IDPS ba fandi sa président balobi ke mama tika la na Johannesburg aya na San City te. Alobi oza soko zoya na San City okoko sangana na mwa site parce que okoko ma na impurité eza makambo moko il faut za la soft. Tu vois les idées archaïques. Je connais le nom de tous ces gens. Oye bakolande mission ana bakolo. Le président était fâché. Vous avez des idées archaïques. C'est le mot archaïque qu'il avait utilisé. Et la même chose à Ebisaki Bango. Pour la maman. La même chose. Mais parmi Bango, Ezalaki Nabatu, Mbazaki Kokote Langaï, quand même, paix à son âme, Gilbert Chimanga Mundela. Gilbert Azaï Koloba, pour papa, les Kinabango, Azaï, c'est mes papa. Cette femme ici, elle est intelligente. Pourquoi on ne veut pas qu'elle... Il dit, mais ce sont des gens avec des idées archaïques. Et puis, à Bundi, n'a parti. Vous savez ma preuve. C'était ça seulement, tout simplement, parce que je suis femme. Mais heureusement, le président ne les avait pas suivis. Tout à l'heure, il y a un président. Et là-bas, j'étais très proche de lui. Et Kuna Lissous, on a dit alors... Tout le monde est à Sun City. Il y a Sun City, il y a Sun City. Au père, ça a mis son prénom à foutre. On a bilingue. Il y a l'histoire à Nama. Ma photo consommée par cours, on a mal à moi. Il y a seul. On a souligné particularité parce que quatre naïde pèse à cette époque-là. Oui. Ma cerveau, ma zala qui est. Ma cerveau, ma maître Moukendi. Bah, Kale, le professeur Kale, le Kabila, Valérien Saloumou, secrétaire général Dieu Sadiki, secrétaire général Dieu Kabang Olivier, il y avait des têtes. Mais maman Bazaïba a bimi parmi les quatre présidents Poni Moussala. Moussala Ngaï, on me choisit toujours par rapport pas à ma personne, à mon âge, à mon statut de femme, mais le travail, d'accord, le rendement. Tu comme une Sand City. Bah, témoignage à Batoua Kenda Kuna. Justement pour Napia yo Nanzela et Maramoubane ou Badija. Maman Bazaï Bazaï, tout le temps, même dans ma photo, mon appara, Pemé n'a papa Tshiseke. Ozaï tout le temps, papa Tshiseke. Rôle ni no banner ou jouer. Et comment ça s'est passé? Bétera Psopena, ma solo, même y a anecdote, moussousou, ma solo assez à dialogue. Voilà. Comment ça s'est passé? Non, je vais d'abord dire fierté Nangaï que Kuna Tozo Kena dialogue inter-congolais. J'ai joué beaucoup de rôles aux côtés du président Tshisekedi, même rôle à sécurité. Biloko ne akolia, service même les abifés, à tsoenga nazate président Bonchele Biloko te. Sauf ce qui maman azali. Ce qui maman azate, c'est moi qui allais prendre na ebielo ni président aliaka, na régime nae, na pesie akolia, na mainae ya komela pour raison de sécurité. J'étais tout le temps à côté du président pour nakoyebisae ba quoi que oyeza na négociation pour trouver ba option ni nitokozala parce que c'est fut un monsieur très intelligent et visionnaire. Président ukolo banabino likambulelo bo boudé ango deux jours trois jours obi il avait raison. Azamo na musika et biso tozali na retard ya vision mais soko zokanga manaye obandi pe ko mona musika lokola ye puis okomi pe incompris lokola ye c'est ça ne bato bazo comprendre été nde avantage na bande ozala naye pembeni yango wana et puis charisme naye bande ozala soki ye mkolo ye azana plénière makambo bande le ka bien mkolo azate. Ça faisait comme si les chats parlent, les souris dansent. Ce président Tshisekedi azate ba position zoya kili kili kili kili kili kili na ba délégué. Mais pour bandai de temps en temps pour tika la mingi na 100 tonnes na Johannesburg et puis biso toke biso moko to bandos à la mingi mingi trois délégués. Alors moi j'étais à cheval entre deux commissions. La commission socioculturelle et la commission économique et financière. Yé moko président azalaki na commission PES et sécurité. Paix réconciliation parce que Moubake azalaki na commission politique administrative et juridique. Alors puis la paix azalaki est moko plus ou moins absent de temps en temps azoya te ba commission azalaka kuna ebele. Alors intérêt na biso ya kozalana président azalaki wana so il peut présent à chaque étape de bando sala ba conférence de presse c'est moi qui organisais les points de presse à président na kobenga ba média nyonso na mo sali modération et puis makamususu a routine na ngai ngai na na lekisa on a été mince mais les gens croyaient quand même à moi au gagner ligne en tant que actrice politique na ba négociation na Sun City en tant qu'actrice politique to gagner d'abord mingi l'unité du pays. Personnellement, n'a gagné expérience. N'a gagné expérience, n'a gagné pas le fait d'être dans la cour des grands. Parce que Zahim Balaï Bosso, en tant qu'actrice politique, a participé dans ma négociation. Il y a Makassi Bongo. Il y a Makassi Pen à niveau et instance de prise de décision. Voilà. Parce que sur l'avenir du pays. Sur l'avenir du pays, décider sur le pays. Être na cour des grands oyo bokoli na bango bokosola na bango des chefs d'état par exemple en son temps le président Mbeki le président Mbeki m'appelait maman Eve toujours obatumi ba benga ka maman Eve na opesa ndakisa moko Tokomaki, leur dialogue inter-congolais, Salmaki, accord et à cascade, et à qui cause à la signer entre gouvernement, Kinshasa, MLC, Bazongi, Awa, Bakena, Matadi, Bayokanite, Tosengaki, Tangbiso, Tosignaki, ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue inter-congolais, Nabatuya, RCD, Potozonga, Tozo, accord global et inclusif, Potolingaki, accord exclusivité. Tangutozongi Kuna, Mukola Souka, il faut signer accord global et inclusif, il y a eu un incident. Un incident sur le terrain na Muliro ba position ya ba allié ya nani ya RCD. Allié na bango ya RCD ba position na bango le batika place balba ki cesser le fait et salema gouvernement a Kinshasa a profité ki na concentration toza na ngona San City pour ba beta ba position na bango ba bousculer bango RCD ba lobi le quoi ba changer position ya ba allié na bango na Muliro bango ba ko signer accord te ba bloquer machine. Sikoyo moninga nanga na ya nini alter ego na négociation délégué à IDPS Ndeko Valentin Mubake alobi si le RCD ne signe pas le l'IDPS aussi ne signe pas ya wala ba yivye bino boke na kota ba Rwanda ngana lobi pas question na ebisi makambu militaire sur terrain Talibi sauté. Bisso tozali opposition politique, composante politique. C'est grâce à nous la composante politique que nous sommes revenus à la table des négociations. Mokolo bako régler makam na bango ya ba position na terrain, bako benga composante armée. Ba belligérante bako benga bango composante belligérante. Bisso to kozalaté. To bandi ba discussion qui signe qui ne signe pas. Ngana ebisi Valentin na lobi moi aussi je suis un délégué plénipotentiel net yo. Yo posa délégué, nga penaza délégué. Soko boy ko signe, lorsqu'on va appeler l'UDPS, je vais aller signer. L'air ango batu ya IDPS bazala ki wana babi, soki o meki ko kendo signe, toko beta yo. Ba militant, ba cadre, o cadre ya l'UDPS. Na kokip même peko tanga ba komo na bango, représenté à IDPS à l'époque ya Canada, zala ki wana, représenté à IDPS ya Suisse, ya zala ki, représenté à IDPS na nani na Afrique du Sud mtazao kote langai docteur Kimwana abibo beta epo na nini bagayare bingwangola nyaso babito ko beta yo to kosala o mabe ngana lo bisoki boko beta ngana ko signer discussion tozala ki na Pretoria ma place sala reunion to bando sala na Union Building bureau ya président Mbeki zala ki na sima biso on était arrivé vers 2h du matin ma kele le leki tellement que président Mbeki abimi atuni biso. Mais what's wrong? Les camions les allaient à tout bandit qu'on expliquait ma quelle le président Beck a zaki na biso proche, tu zaki na président Beck qui tu zaki na moins simo qu'a zaki conseiller na emuje kogumbi. Voilà comme mon conseiller. Voilà ça président de la République. Oui, président de la République. Président de la République et Afrique du Sud. Oui, président de la République en fonction. Aïe kotou na biso zaki ko travailler, biso biso tu zana réunion za avant de travailler 2h, 3h, 4h du matin. Tu zaki fait 2h du matin de abimi bazalaki bangona mouje ko gumbi bazalaki bangona 6 ngombane à l'époque il était l'ambassadeur d'Afrique du Sud à wana na ko RDC. Na mususu kombo na ezalaki wana na bosani bazalaki wana madame Zuma aza ministre affaires étrangères. Baye kotou na biso problème nini boweli. Na ngana expliquer ba mususu pe ba expliquer président Mbeki ebisi biso lobi mais président Tshisekedi aza wapi lobi aza na Johannesburg wapi bo benga ye aya ko tranché ba okata makam ba bengi président Tshisekedi na butu 2h30 a voiture ke na Johannesburg ba la musi président koma ki ba 5h30 na Pretoria place tozalaki président Mbeki mutatini mutu président Mbeki atindi baye kozwa président Tshisekedi Etienne aye akomi atuni biso to fani wana bato IDPS to samba Mubaki alobi ngape na lobi on a zolo basse authentique devant témoin et c'est de l'histoire président Tshisekedi alobi mama Eva a raison si on appelle l'IDPS nous allons aller signer. J'ai appris même que natanga il livre ngo ezali j'apprenté président Kamere à Komaki a mon livre naïe et c'était la seule signature qui manquait pour sceller l'accord global inclusif. Lorsqu'on a appelé l'UDPS, nous sommes allés signer les gens ont applaudi. Président Nani a envoyé, il y a le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à l'époque, Moustapha Niass, à Sali, à Ibisi Bissot, tout ça, la prière, tout ça, il peut prier, tout peut signer, mais il peut signer un accord global et inclusif. Donc, si je meurs aujourd'hui, la RDC doit savoir que j'ai donné du mien. Pour l'unité la Mboka. Pour la réussite. Pour la réussite, il y a dialogue. Les témoins existent. Et le président Tshisekedi, Étienne, paix à son âme, c'était mon grand frère, c'était mon papa, c'était mon coach, c'était mon. Je ne sais pas. Il m'a beaucoup formé. Et il croyait beaucoup en moi. Il me respectait beaucoup. Mingi so li kambo bimi azo pesa nga raison. Au moins na kolo ba li kambo susu a pesa nga raison. Kala mingi te awa avant nzaba bengaye, ezali na makamba consultation nationale. Ba li bati a so ki e fonction oyo ndeko na biso nani. Olenga koy azana ngo sensa. Balobi président Félix Tshisekedi wa za chef de l'état sikoyo avec mes hommages les plus déférents à la premier ministre. Président Étienne Tshisekedi azala président Sensa. Nga na wana nga na secrétaire général MSC na bikoma. Na notion ya management. Comment papa akoyiko zala Sensa mwana azala premier ministre akozala juge parti pour Sensa zala ki pour e coordonner ko gérer ko za neti l'église au milieu du village. Suivi accord ya suivi accord ya ya accord ya Saint-Sylvestre to benga ki amo. E koyiko sale maté discussion. Awa na Senko, batu ya IDPS, babi, yo, obosa ni ozala ki na IDPS, yo, ozo kombat o lingi presence a la presence Sensa te, ponga la zolba, ngam na ozala presence Sensa. MLC, koma okota na gouvernement te, MLC azwa Sensa. Me e yinda ki makasi. Baki o funda nga e pa presence Tshisekedi. Tshisekedi. Amoni nga tenga na zate, ba fundi nga, yo ki mempanga, batu balobi na pokwa, aibisi bango, eske la tor. Elle n'a pas tort. Ce n'est pas possible que moi je sois Sensa et puis que le secrétaire national aux affaires étrangères, wana, le chef de l'État, qui secrétaire national aux affaires étrangères, soit premier ministre. Elle n'a pas tort, elle a raison. Bango moko bato ide pesi ba benga bi yona tata na yo wana to evite sokibo we zomona po ngai o fait na banai ko landande ye logique na ye et c'était normal que a comprendre nga d'accord parenthèse mususu na Stand City po ni ba funda ki président Tshisekedi ki président Étienne qui a commis na RCD, a commis na ba Rwandais, a qui vous négociez na ba Rwandais. Donc tant que MLC na pouvoir, toute délégation gouvernementale, bah ça les copinages, na ba on peut pas ça l'accord, qu'on a mal tadi, bien on peut pas s'allier na RCD. Bon, et ça là qui grâce à Sandé Tozo accord global inclusif. Pour tokené qui kuna, il y a eu des composantes et des entités, composantes gouvernement, composantes MLC, composantes RCD. Et puis les entités, c'était les Maï Maï, RCD KML, RCD National. Composante société civile, composante parti politique. Tout ça, qui 8 composantes. Enfin, 5 composantes, on a 3 entités. On a aussi Kotang. Si quoi, accord, on a signé qui na cascade, une grande composante comme le RCD n'était pas là. Na yangon des composantes problématiques qui tirent l'autre dans la M23. Président Tshisekedi comme il y a mon avant. Alors, ceux qui battent, ils ont signé. Ils ont aussi la tête. Et puis, le pays est toujours divisé. Et bon, il y a un accord global inclusif. Accord global inclusif, d'abord, un, le pays doit demeurer uni. Qu'on laisse avec cette affaire de la partition de Fembok et Kabwana. Deuxièmement, on tient en place une institution en transition. On est comme même une élection pour une institution. Oye que vous allez issue des élections. Ce qui est bon, c'est que vous avez Goma, Nord Kivu parti, vous avez été à la RCD, été à la sous-coupe à Rwanda. De à l'obi, vous créer alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. C'était une manière de vous avoir dit que vous avez été à la RCD. Mais lorsqu'on est venu, to signer à Corwana, président Tshisekedi à l'obi, personnellement, na Kigali. Ko sensibiliser bango ke batika ba congolais baza la uni na ko kenenga moko na Kisangani. Il a fait de bonne foi. Il ne l'avait pas fait dans le sens ya koloba azwa parti pris ya Rwanda. Boyeba qui dit que ya c'était un nationaliste. Évidemment ça a donné cette impression. C'est ça. Mukola Kenana atekimboka abasombie na Rwanda. Na Rwanda rien du tout. Akendeki kisangani basaleli ba défilé wana, c'est si je me souviens encore c'était un 30 juin. Et c'était 30 juin 2002 je pense. Basaleli est défilé ba makamunyoso. Mais après ya tikala kabona mubaki atikala na Goma. Ngai na yaka Kinshasa ngamoko mpuila azongi Belgique président Etienne Tshisekedi atikali na Afrique du Sud ngana yawa j'étais seul au nom de l'UDPS comme délégué pour convaincre le gouvernement de Kinshasa et le MLC à rentrer à la table de négociation ba émission na ba émission ba archive ezali na expliqua importance ya dialogue ya accord global inclusif par rapport na accord partiel ba signé ki wana et grâce à Dieu accord ango ba signé ki ba komi na matadi pe ba yokanite et saleka ke tozonga na table à négociation toye kozonga pe ndenge to signé accord global inclusif l'air aussi ça qui accord global inclusif toye le 30 juin 2003 il y avait une réunion au même ligne où ya Jim si ya groupe wana ya ba armée bango pe côté ba belligérant ba kende ko signé ya bango de salaki ke toti ya transition d'accord tout le belasiko transition président Tshisekedi c'était comme une évidence que na 1 plus 4 à Rosa vice-président pour na compte ya opposition non armée. Qu'est-ce qui a fait que na dernière minute ezala Arthur Zaïd Ngoma n'ont pas Étienne Tshisekedi? Bomba mabe l'Union européenne ne voulait pas de président Tshisekedi comme vice-président. Ba sali ba manœuvre nyonso. Ba lobi bati ba sala ki na rapport na yeke il est imprévisible. Oh. Oui, faut tout na bado a yelo na l'air wana mtu azala ki ba représente. Ba boyaki parce que ye moko ba comme sikoyo ko koko sa ba yeko sa neti ba jeu. Ba yebisi ye fanda kuna na Afrique du Sud. Ti mukolo bakoti en place ba institution bongoya. Mais awa sur place, il m'a contacté pour prendre la vice-présidence. Moi, j'ai reçu dans ma maison le président Moustapha Niass, président de l'Assemblée, Siko Wazape, président du Sénat, Wazaki na nini, Wazaki na facilitation. Il y a qui représenté Kofi Annan, pour Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, Atinda Batumi Bale, Ailem Enkerios, na Moustapha Niass, ba représentant naï, ba conseiller naï. Côté à facilitation à Nations Unies, côté à facilitation à l'Union africaine, de tous à la qui l'air en Abamassir et après Massir et Zaki président à Bombeki, Yemoko. La double médiation, on avait la double médiation. Ils sont venus me voir pour être vice-président de la République en lieu et place de l'UDPS. Na négociant à Bangon à lobby, si c'est le poste de l'UDPS, laissez à l'UDPS de choisir la personne. Ba convaincre ngai ndenge nyonso na lobby je ne peux pas trahir le président Tshisekedi lui m'a fait confiance atiki ngai liberté ya ko solana bino ya ko négocier pour le compte du parti je ne négocie pas pour le compte du parti je négocie et pas pour le compte de moi-même mais pour le compte du parti oboya na boya na bengi président Tshisekedi na sololi nae muto azaki qui responsable na makambo wana Botuna Ngoimulunda na tangie Ngoimulunda abenga Mubake Valentin ayebisaye yebisa na président Tshisekedi kuna ayate azela mukolo ya kokoma président vice président tokotinde la ye avion présidentiel et ko ya kozoye po aya Ngoimulunda je le cite ici esa histoire Soi botuni mobaki ya koyebisa bino etape wana. Nga sikoyo na benga mobaki. Na lobi na makambo Ngoimulunda zoyebisa yo wana ezalaki vrete. Parce qu'à son temps, je cite aussi Maître Azarias Ruberwa. Moi j'avais mon bureau na Royal. Maître Azarias Ruberwa a benginga. Atindi ba Maître Moïse. Komona ngai. Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo. Ye moko pe Ruberwa. Tuninga lobi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président Étienne Tshisekedi ne vient pas? Nous sommes en train bientôt de mettre en place l'institution Boyena Boya Zoyate. Dans la lobby, mais information bisoto yoki, Ngoimulunda tindi que président Kabila a lobby, président Tshisekedi a yate, a zela bakotin de la avion présidentiel. Likambo na zolo babato, il devait signer sur se prépara, bamsou balongo koutou Kinshasa, bamsou balongo ba poto ba kenaguna, basoma ba costume, ba cravate, ba prépara ba zozela, tang ba renommé et kaka vice-président wa avion présidentiel et kokende et kozoye ba ya. Je vous dis, c'est authentique. Makambwana mutu adribla makambwana batu na muku enjuru bobenga ngoimulunda, bobenga mubake Valentin, baye bisabino. Moi je n'étais pas convaincu, je savais que c'était des manigances pour écarter le président Étienne Tshisekedi parce que j'avais senti ça déjà de l'Union Européenne qui venait me voir pour que je sois vice-président. Parce que nous voulons une femme. Moi je dis si vous voulez une femme, boke nomona Maman Nzuzi, abino, Maman Nzuzi incarne les impères. On ne voulait pas de Maman Nzuzi parce qu'elle est carnée, elle est impère. On veut de moi, je suis UDPS, mais on ne veut pas du président Étienne Tshisekedi. Moi aussi, j'ai dit non. Nani, Moutouazana Sensa, Siko, Olengankoy, Aiko Monanga. To solo. Maman Nzuzi, ma carte. A convaincre, Nangana l'obité. Zaïd Ngoma, Aiko Monanga. Maman Nzuzi, ma carte, l'obité. D'ailleurs, paix à son âme, Zaïd Ngoma, cette femme va mourir pauvre. Elle fait marcher des chefs d'État, elle fait marcher des personnalités comme ça. Ils sont venus voir même mon mari. Mon mari dit, tiens bon, résiste. Ton heure viendra. Faut pas obima. Très, pardon. Les véhicules présidentiels venaient chez moi à Kingabwa, avenue Wamba 19. Le président Kabila a envoyé... Il y a un président qui s'est fait. Le président Moubaki l'air ba ebisi Moubaki a kekti en Afrique du Sud a ebisi président ko kendete Moubaki aussi était convaincu na makamungo imunda lo baki nae Moubaki était convaincu, il faut lui demander aussi ça to lukai eh bo tu nae eh ko msu pe bo fandi si biso comme tozana bon mon solo lika les ama solo mboka ti batanga una classe. Bref, c'était ça ba eko benga biso siko ba lobisi na nga komba lobingi ke nga na kokufa pauvre na zama yele te et tout ça ba sali na moi commission moko ya transition. Moi, transition, vous avez qui va paipaï ou asiagasique, personne n'a aussi, bah, t'as mon aussi là. N'a pas, on l'a encore, bah, qui va salaki commission, wana. Après, na commission, bah, réunion et salemi, toke na Monusco, ne basale ko benga biso na ba réunion na Monusco, zomo na kaka, tu vas banner. Composante opposition. Composante opposition. Ti, t'as mon gana boy, allez, pouf. Bah, y'a qu'on a Zaïd Ngoma, la France qui avait soutenu. Zaïd Ngoma, quand on a Zahabo, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est comme ça, et puis le président Tshisekedi, il dit que l'UDPS ne participe pas à l'institution en transition. Il n'y a pas de palais du peuple, j'avais le droit d'être député. Il n'y a pas de palais du peuple. Il n'y a pas de palais du na posa ni kutu ba extra ya ba mitu kango ba pesa ba parlementaire na tikala ko zoate wana Olivier Kamitatu za president ya assemblée to ye bani pe mona ngabi me mama mutu kana ye ngo ba koma penza kombo na nga ya mubake ba koma kombo na ye ya mpuila ba koma kombo na to zoate so ibanani bazwa donc o ka ke mot d'ordre to respecter à la lettre bon. Et puis, ma caméra va changer na coli pe na komali pe na ML7. Justement, tu comme wana po nyoso za la elengité entre yo na UDPS et maman. Na wana za likamba famille. Justement. Na attendenge nini kendo tuna batu nyoso ya UDPS nga za ka exceptionnel. D'accord. Au respecter mon ordre, au respecter au boy qu'on trahir une pièce. Au boy qu'on trahir papa Étienne Tshisekedi. Si lelo na trahir, tu na sali 10 ans au président Bemba za na boloko na trahir. Bon. Et ça, nature, non à la trahison. Au boy, mais proposition, ma pèse qui à l'époque, il n'y a que quoi ça, une histoire. Mais tu le veux, une histoire. Tu l'as dit, na boy, maman. Mais, cause à la vice-présidente de la République à l'époque, ezala ki koboya yango ezapena ke ozapena na esprit ya papa etienne mais nauti ozala vice premier ministre na boite mama ekokana ite na ekokani na ndenga bien owana ngeza na ndenga ya mabeso nikoloba voilà les femmes on lui confie une responsabilité à trahir nazo kumisa yo pour dire que malgré toutes les propositions et toutes les délégations au batin de la qui pour trahir papa Étienne Tshisekedi yo za poste ya composante opposition opposition vice président de la république naboya le boy ba témoin bazé ebelé na tangi bango papa Étienne Tshisekedi a lobby pour participer té na na ba institution na ba institution na participer pour participer té mais qu'est-ce qui a fait que na 2006 tant à lobby que to kende na ba élection té maman Eve Bazaï ba lo à quelle élection na IDP ça a décidé qu'il y a une élection. Qu'est-ce bon, qui s'est passé? Bon, on a une histoire. Bon. Je me souviens encore, tant que tu as commis la transition, d'abord la transition, il y a deux ans, de 2003 à 2005. Après deux ans, il y a eu un peu de temps pour que tu as baye ko pesa ngona yina ne mobulu pe bi makamingi ba marche to sala to ke une élection be simbarate ba bagisaka 12 mois mususu supplémentaire pendant la période de la transition parlement ezalaki ko siéger si ko période wana eloko important ezalaki sénat ba pesa ka bango possibilité compétence ya ko sala projet à constitution avant projet à conscience société civile déjà to lamba ngo et bien sûr que naza bisika nyoso et que na sénat ce n'est que na assemblée nationale pour ba point de vue na biso UDPS écoute na constitution to sali ngo na niveau à société civile ndenga mon na bando participer mais pour le kanaba instance de prise de décision le col à parlement il fallait to za na batuna kati biso za na batute alors on avait utilisé deux personnes je les cite Frank Diongo na Lisanga Bonganga. Les deux parlementaires Ndeko Frank Diongo Ndeko Lisanga Bonganga venaient à Pétunias chez nous à l'UDPS. Tozo pesa bango ba besoin na biso. Biso UDPS to lingi boy. Biso UDPS Frank Diongo le rangwa za ki jeune turc penza ya solo solo. To pesto lingi boy. Posa na biso eza boy. Posa na biso article boy. Article boy pour na vision na biso ya gouvernance. Ndio banda yo mona bango pe les deux là ont brillé au parlement na ba intervention nous étions la mémoire si comme tant tozo que na ba élection surtout li kambo oyo ya constitution ya référendum comme na ba ko siéger na siat na za représentant ya UDPS na comité international ya accompagnement à transition donc na za na contact na union européenne contact na nations unies contact na ba ambassadeur nyonso contact na ba personnalité so ki ba yé ba outil libanda ba yé ba chef d'état ce qui présente c'est que yambi bango tenga na zeko yamba bango ngam na zeko sola na bango ce qui présente c'est que d'ailleurs yamba bango j'étais toujours à côté et on préparait les dossiers à côté je sais que ils sont décidés de reconnaître na ba élection na 2006 qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente mémorandum école nini référendum éco sale ma pour la constitution Moubak me disait référendum éco sale maté il est là il est témoin Nana lobi papa et ko salema tout est mis en place pour e salema. Nous risquons de devenir bredouis ce qui le lo élection et que e salemi. Biso toza na élection té. Frank Diongo par hasard na disanga bonganga baza e lutter. On va utiliser qui pour prendre nos positions. En tout cas, ça ne sera pas une nomination président, ça sera une élection. Moi je vais postuler. Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nabi président, ngai na ko postuler po soki na kei nazala ka ne fiske porte-parole po yo moko lo baki ke malamu pouvoir e uta na peuple. Mais là ça sera la population, je vais postuler comme indépendant. Po ya lo baki na biso to s'enroler. Bon, en fait pour dire la vérité, le président Tshisekedi n'avait jamais tenu un discours pour dire on ne s'enrôle pas. Il avait dit seulement qu'on ne participe pas dans ces processus. Pour question, on a tout naï. Nakena ko ebi sa secrétaire général Nabiso Rémi Massamba. Nabenga Rémi Massamba, nabenga papa Mbayo, na lobi lelo nga na osola na président na poko. Tokei na ke pa Rémi Massamba na ebi se ke na loba na président boye boye boye. Abi makambo ele ki kilonga na okota na nga na katite. Nabi kendeka siwa akompanyinga. Po bazala iwaza en diagonale. Toke tokoti na ndako biso nyonso naye. Me ya suki na lupango. Moubak, pardon, Moubak était Marcel Mbayo à Soukina. On a 4 bureaux, on a 4 bureaux, on a 4 bureaux, on a 4 bureaux. tout fandi na ibisi présent na eko ibisa yo que moi je vais postuler. Ça ce n'est pas une trahison. Voilà bozara bino misato. Biso misato. Président Etienne Tshisekedi. Mobali na ngai na na le pe na libanda Veni Masamba. Masamba na batu mususu bazalaka jour ango na poko. Na lobby présent, moi je vais postuler. Il dit tu vas postuler comment? Comment tu vas aller là-bas? L'UDP ce n'est pas là. Tu vas te prendre en charge toi-même. Tout ce qui va t'arriver, tu en seras responsable. Moi, j'ai dit, président, à mon âge, vous aviez fait beaucoup de choses, plus que moi, j'ai fait maintenant. N'a expliqué, moi, à lobby. À lobby, je ne t'autorise pas, je ne t'interdis pas non plus. Que ta conscience travaille. Ce sont les phrases du président Étienne Tshisekedi. Nabimi. Il ne m'autorise pas, il ne m'interdit pas non plus. Conscience nangai est sale. Alors, bon, si vous avez conscience, nous avons sale. Je suis candidate indépendante. Je suis candidate Je suis candidate indépendante. Être parler dans les médias et tout ça, ça ne convient pas. Mais il faut aller dans les instances de prise. Même contre l'avis du parti et du président. Oui, mais moi, j'étais convaincu que la majorité n'a toujours pas raison. C'était ça. Et puis, j'avais l'apaisement, j'étais sereine parce que je l'ai dit au président, je ne l'ai pas fait derrière son dos. Je l'ai dit au secrétaire général, Rémi Masamba, je ne l'ai pas fait derrière son dos. Ils ne m'ont pas convaincu à ne pas postuler. Et moi aussi, je ne les ai pas convaincus à autoriser que tous les partis postulent. Mais attention, Batoya IDP, c'est presque plus de la moitié qui est en enrôlement. Moi, d'ailleurs, je ne m'étais pas enrôlé. Je m'étais enrôlé les jours de dépôt de candidature. Comme la loi autorise. Voilà, je me suis enrôlé, j'ai postulé. Moukolo, na ezalaka, bureau ya seni, ezalaka. Je crois l'avenir Lukusa, avenir Lukusa côté ya port kuna na qui au déposé tala presse baton du Liban. Très très sérieux ça. Mukolo na kende qui na déposé candidature nanga en indépendant. Ba dessiner nga ba caricature. Ya osagalate. Ya ezalaki. Ba finginga. Ba tu a IDP c'est ba finginga. Ba finginga mais beaucoup les leaders avaient postulé, bah vota Moudizo, bah vota honorable Kabengele, honorable Moudizo, et belé, bah vota ngate, bah finanga, bah le bio azamu swahili, bah sombie na président Kabila, bah finanga, bah fichinanga, bah zo arraché, biloko nanga kutu na meka kotia on a limité, t'es encore na postulé, c'est comme souté na moamba. Limité, matete, ngaba, qui senso. Bastion pénal. Moi, je suis à l'université, je suis à la bête et na campus. Maman a bino traître. Hein? Ba finanga, ba finanga, na zoa pété. Na zoa 1663 voix. Ba déclarant na zoa. Si qu'on l'air ba proclamé, que na zuite, ba tu n'y soit aidé, pèse ba kabou. Eh! A zuite l'énime! Quand ça qui va taper perdre ma roti à azuite azuite azuite azuite le même jour à bateau bas ça n'a campagne baléli n'a l'embatte le même jour bas proclama le même jour n'a na Fatima il y avait une conférence sur le leadership féminin. Je suis venu, j'ai continué mon travail. Mais depuis qu'on aura décision à nos nautiques à candidat ni dossier n'a candidature. Ozo qui n'est pas papa Étienne. Et pas président la bande okende. Azo tout n'a rien coûte. Makamango na binonde eni. Na bande okende. Na bande okende. Si ko yo esika nini esalaka ke na koma lisusu kunate na longwa na IDPS. Tangu na zuite na assemblée nationale et les quitte te ko koma na ba élection ya sénat si koyo avant que tout koma na ba élection ya sénat là na juité et comme na deuxième tour ya ba élection pour premier tour les arrêts na juillet deuxième tour ezoya na novembre ba journaliste ba ba komi ko poser nga ba question na bibo olena lobana na lobana na sala kaka une fois pour tout ba otunanga na sala conférence de presse na sala conférence de presse na bureau na ngai ya société civile za na buta 205 na lingwala ndabu tozala to longwa to tia ngo centre de santé na sala pe annexe comme a bureau na nga na sala conférence wana presse internationale bazalaki RFI TV5 voix d'Amérique nini nini presse locale presse écrite tout na banabe makam na kala sikoyo na sala conférence de presse batuninga entre président Kabila na président Bemba okopona nani pour les deux qualifiés na deux tours. Alors, j'avais fait ce qu'on dit politique mathématique. Na lobby président Kabila est ici depuis 2001 après la mort de Moïse Kabila. Nous sommes en 2006, ça fait 5 ans. Il a le pouvoir. Il a la puissance publique, il a l'argent, il a les relations, il a tout, il connaît le pays, il a le pays entre ses mains, mais il n'a pas obtenu la moitié. Il n'a obtenu en son temps que 44% à l'arrondi. Après bourrage des urnes. Bourré, mais basuki à peu près à 44%. C'est-à-dire 56% des Congolais ont dit non, nous voulons l'alternative. Peut-être même que c'était plus de 60% malgré pour bourrage et Salemaki. Alors moi, je vais vers la majorité des Congolais qui ont voulu l'alternance. Alors, ces majorités des Congolais se retrouvent auprès du président Jean-Pierre Bemba, qui avait obtenu, je pense, 24%. Le deuxième tour qui était qualifié. Parce que dans 56%, si le président Étienne Tshisekedi était candidat, il n'y a pas voté. Mais il y a eu des Kachala, il y a eu le président Gizenga, il y a eu ceci. Une trentaine, il y a 32 candidats. Car le candidat Mokombu Sande a foutu la caution, 31 candidats. 30 candidats face au président Kabila. Je connais ça par cœur parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors, je vais voter pour le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Même si je ne suis pas du MLC, même si Tosolola n'a été, je vais vers la majorité des Congolais, je veux voter pour lui. J'ai commencé la campagne du président Bemba là, dans la conférence de presse. Sans l'avoir rencontré. À l'époque, Rando et Zalara entre MLC n'a eu de peste parce que Jean-Pierre Bemba a menacé. L'UDPS à un moment donné, vous avez organisé une manifestation. Il faut élection et ça, les mains. Il y a deux ans. Il y a l'obaka que maman a battu la balle à la bino parce que Tozo Kende n'a pas élection. Oh, il y a un bimali na marche, il va s'en prendre à lui. Voilà. Je connais cette affaire-là. Alors, on a lobby na koponaye. C'était ma logique. De manière tout à fait objective, j'ai suivi la majorité des Congolais, esprit Nabango, côté Bakendeki. Alors, quand c'est parti, la presse en a parlé, certainement, le président Bemba avait vu ça. Il a envoyé maintenant son directeur de cabinet à l'époque, qui est aujourd'hui mon adjoint, secrétaire général adjoint, Fidèle Babala, à Tindieka, dans mon petit bureau, nanga wana na Lingwala, à Eko Monanga, à Solananga, que le président veut me rencontrer. À Tsaolito, il peut au côté de MLC. Na côté de MLC. Aiko tindanga atindaka pe lerango mama moko tozalana e mama Maria Mukanda atindaka pe monsieur Junior Bomboko baiko monanga donc il a envoyé mokonzi atindi trois personnes ne wana bibo. J'ai parlé à mon mari, il a dit OK ça va, tu peux aller le voir parce que ça la paix campagne à mutu au moni et ozora sibilo ko campagne neni parce qu'il était question na campagne à deuxième tour. Je suis allé, on a parlé. Bon, alors, je suis en adhésion à MLCT. Je te dis merci, je félicite Kayo, je suis Kayo, je suis active et tout. Est-ce qu'on dit que Kota, na Renako, l'air en Renako, ou Zalaki, regroupement, et Salamayo, tour, il y a candidature à Bemba, la deuxième. Ça va, na a la campagne, on a deuxième tour, mais na Rolingana, qui nous a la campagne na Est. Il a Ouest, Awa, Baebi, ou déjà Ming, qui nous a la campagne na Est. Yamboka Kisangani et partout là je peux le faire mais na rien à côté il faut tout restructurer ngana ko iko memelope ba tumususu ba Justine Kasavubu ba madame Landu madame Landu zaka kanda within ndeko ya nani Oui, Finlande. Bon, ndeko na Marie-Thérèse Land. Donc j'avais amené Marie-Thérèse Land. Donc après c'est quelques candidats basalaka wana toyeko koma to tikire nako to créer sikoyo union pour la nation congolaise. INC. INC oyo président Kamera zona yebisa ka jour musu na bi président. Ce qui to protéger ka mona propriété intellectuelle to linga ki to to poursuivre yo. Biso ndeto salaka UN, to salaka UN, to longolaka se wana to che UN po esalineti 1, po yazala numéro 1 na deuxième tour, vi son nom qui commence par B, le président Kabila K, ezala ki D. Donc, si ko ngai, président Bemba a eko kreye, to sali donc union pour la nation, to sali, to zala ki na 4 porte-parole, ya union pour la nation. Ngai moko, maman Justine Kasavubu, pasteur Ngoyi, pasteur Théodore Ngoyi, na Roger Lumbala. Tous ça là qui 4 personnes, directeur à campagne ça là qui Olenga Nkoyi. Tous ça les années tu dis ça pendant la Congolais. Mais de tous ces 4 porte-parole, j'étais la seule qui travaillait, faire des points de presse, faire ceci et tout cela, j'ai travaillé. Wana idée ya ya kokota makamba MLC tozali ko lobela ngote. Wana zaka ka officiellement na IDPS olongwe na mti. Officiellement na longwete. Po na IDPS tozalaka na approche ya loba auto exclusion. La première personne qu'on a exclue dans l'IDPS c'est moi. Le jour où je suis entré à l'Union pour la Nation na sali ngam nazalaka pe modératrice ya sortie officielle ya Union pour la Nation na Fikin. J'étais là devant président Bemba, notre candidat na Batunyon, c'est moi qui ai présenté l'Union pour la Nation. J'ai fait la modération et à tour il y a un discours, il y a Batunyon, il y a qui quoi adhérer na Union pour la Nation. Le président Bemba m'avait choisi. Il avait vu aussi qualité à Moutouti. Là, il a expliqué vision en lui, il y a coqui. Na place na. Comme je vous ai dit, Moussalande et Poussara Moutou à Kendeliboso. Alors, ces jours-là, et si il te kaboli peut te déployer ma candidat ngana kendeki j'étais encore à Kisangani pour la campagne nazota un jour na RTG ya boye na tangi bazotanga décision ya exclusion ezala ki solane tala batu batomi na limité article tel vu considéra est exclu du parti madame Eve Bazaïba Masoudi alors que na UDPS à tout moment ezala akaka auto-exclusion. Nga moutou aliboso ba sale la a décision ya exclusion. Bango moutou ba bengananga, nga na longwa na IDPCité. Tango ba benganinga, na koti peka, na tika la na MLC, me, na kota na MLC lè ra depo a candidature na Sénat. Et l'équipe nenge, l'équipe deuxième tour ya... Ya présidentiel. Ya présidentiel. Tozoaka na biso, hein, 56%. Tozalaka na ni na biso ya élection, hein. Babenga ngoni. Centre na biso. Centre na biso. Le centre fonctionnait. On avait tous les relais. Ba résultat, ezo ya en bonne et due forme. Tozo communiquer pe yango na ba instance. Mais on n'avait pas la qualité ya ko publier yango en lieu et place de la CENI. Déjà, boyebi ke lè tozalaka présent Bemba. Azalaki proclamé gagnant na non à babenga ngoni ni qualifié na deuxième tour. Boyebi masasi ne babeta kabisoti. Le 23 août. Babeta masasi ba tumba CCTV ba makambe bele. Alors, yango ne salaka même ki na deuxième tour moya tambola exact. Lève na sa ba conférence wana pekaka ya victoire na biso ba beta pe biso masasi siège na biso ya élection na bureau comment résidence na officier zaki en face à cimetière ya Gombe ngam na zaraka ona responsable numéro 1 na batu nyoso ya politique bazala na ne ba beta ba masasi wana makamyos batu ba kufa makambebele. Je suis sorti vivant de la temps na tala anda ku wana ndenge zala na ndenge na bimaka na lobi non ce n'était pas encore na bata mate na zo sala ndenge conférence de presse na sala conférence de presse ndenge na nous seni a publié résultat officiel té à deuxième tour mais na outi ko zwa mikanda le rango ndeko na biso sénateur comment il s'appelle, il était directeur de cabinet du chef de l'État, j'ai oublié son nom, Cheo Kitundu a signé Abimisi Mbongo à l'époque $2,500,000 na banque centrale le rango vice gouverneur Zalaki Jean-Marie Emungu. na bureau na cabinet ya vice gouverneur na zala na mutu moko wana azala mutu nanga afile ngai ba document et bimi 2 500 000 pour l'organisation et manifestation investiture à président Kabila nga bikoma na nuboye biteke ye muta oleka président ndeni ni bino bokoki ko bimisa mbongo. Alors j'ai pris ces documents qui étaient authentiques. J'ai fait une conférence de presse. Na Sirisa conférence de presse, c'était Masasi Etoka. Babeta biso Masasi wana batu bakufa. J'avais quelques gardes. Oyo basalaka pona ko repousser. Ko repousser Masasi. Si mettez la gombe wana, et ça rende bibembe lala. Mais, ti toye ko benga, batu ya Monisco. Incapable bango ba yende ba batami na ba mituka na bango ba sala ko telo omote ndey mo le to kina ko réclamer victoire na biso na cour suprême de justice ba beta pe biso masasi ba tumba ba preuve na biso nyonso ba tia moto na cour suprême de justice to sala na ba Marie Thérèse Landou na et tout ça donc ndenge ba tumba eloko wana ndey na bima wana so na tali na loba. Ce n'était pas encore mon jour. Mon jour vient. Il y a le président Joseph Kabila, Batumba, Batpreuve Nyonso. Batumba, Batpreuve Nyonso. Bombarda, Koutou, hélicoptère, il y a le président Bem. Batumba Nyonso. Bon. Voilà. Donc, après, alors, si quoi, pourquoi t'as MLC comme évidence? Pourquoi t'as MLC et comme qui évidence, nan, t'es ici la vie, moi, j'étais société civile aussi. J'étais consultante, hein. Nazeka consultante. J'étais à l'abri de quoi que ce soit. Mobile n'a pas médecin, on était à l'abri de du tout besoin, ce qui, du besoin. En tout cas, on nouait les deux bouts du mois, le minimum, on se suffisait. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je garde mon intégrité et imperméabilité dans la corruption, toutes sortes de corruptions. Je n'étais tenté de rien. Alors, un jour, l'équipe Mikolo, on a déjà présent. Bemba Zui, accident à Bukanaka. Et pendant un jour, nalali vers 22h, téléphone est sonné, président Bemba Benyinga. Maman, j'ai besoin de vous très tôt le matin. Et moi, président, na ipsi mobile, na président, obenganga tongo tongo, li kamunini. Wanangala est aussi là, na makamba, totikalaka, na makamba, ba suivi, ya boye, ya ba élection, total, à lobby, et aux alandeni. Na tongo tongo, tokei, to komi. À l'objet, na ligne, na zana besoin encore mon aéroport à la candidat na sénat. Tout à l'heure, na mobile nanga. Candidat na sénat déni. Sénat liste à MLC. Na zana puis mes présidents, moi je ne suis pas membre à MLC. À l'objet, pour azaï peu qu'obé nanga na moi baréyon, mukola salaka discours naé. J'ai accepté l'inacceptable na salaka mukola ngon na discours naé. À l'objet non, j'ai vraiment les talents que vous avez, je ne voudrais pas que vous allez en dehors, de postuler, tout ça, oui, candidat, dont moi-même, na Sénat, au côté. Je suis allé à Koumouna, à Bengi, président interfédéral, au sénateur Guérengo, à Bengi, à Bengi, salami kanapo na président. Je suis allé à Président, je suis allé à Pamba. Je suis allé à la carte de lecteur, je suis allé à l'attestation, je suis allé à la naissance, je suis allé à Président, je suis allé à la téléphone, bourgoumestre à l'imétépo. Na la fana na kingabwa les ramoza bugumese mama moko be ma chérie comme on aille ta nkuta obenge ma chérie madame je voudrais ta bi oh chérie deni joke za comme on aille prénom aille après ça asali nga mikanda na minute attestation de naissance boyena boye formulaire yé na rempli président interfédéral MLC Valentin Guérengo de mtasalaki ba makamwana achenga titulaire ache supplier deuxième supplier ba sali makamnyoso kaka wana toza debout donc et déposer les candidatures sans avoir officiellement intégré le sans avoir officiellement intégré na lekeli nzela mukonzi bala likolo en tout cas maman Lisolo na eza makambo destin ya mutu na zinye sili na kena ngape na ndaku na vandi bon ngala kanisa ikaka c'est pour la bonne forme na ibi na ngane na osala mukolo ba publier liste ya ba candidat sénateur ya MLC. Mon nom c'est Bazaïba, le nom du président Bemba vient en deuxième. Donc Nabimine est tête de liste. Tant que tête de liste, Bazaïba. Moutoua Liboso a Benganga, un certain papa Mangala, député provincial et MLC élu, Yangaba, il est déjà décédé à Benga. Maman, Betou Kena Kiesa Wananzo, Betou Bemona Kumnange, Nge candidat à Betou et MLC, maman Geme Koutana MLC, Betou Kena Kouyangala, Wampila V. Nabi, oh, papa. papa wo moni anga bi papa nga na ko voter alobi mama alobi na lingala bi mama biso toza na esengo toza wa famille mobimba toza na esengo to moni komo na yo na MLC okoti MLC oza candidat nga na za député provincial MLC angaba komo na ngai papa mangala na ko voter yo bokilo na ngai Azai eli na biso pe ya MLC na matete ya kovote yo na koyebisa pe ya bumbu ba kovote yo na koyebisa pe ya komina ya Kinshasa to yebani na baninga alo j'ai été bato akomi kobenga ngai petit na biso pe mwana nga botete ya benginga bemola benginga ba député provincial bazobenga nga personnel personnel oui, oui, oui. Ba sangisi ba sali réunion ba moyo so ba ke papa pa mangala ba lambi biloko ba sali ba ke ko yambanga les députés provinciaux m'ont reçu tolier tomeli na mobali nanga ba tieli biso panier ya take away to mema biloko ntaba na zo tambola na ngoboye nzoka ba te MLC ba sepelaka ndi na defandaki na deuxième tour élection ndi na salaki Babi mama to linga kayo mingi na zongi. Don na leka senatrice na pesa ata enro. Na pete nyoso. Na kena koye bi sa président, bi président. Je vois que c'est dangereux. Tous les députés provinciaux de MLC disent ils vont voter pour moi. Maintenant comment on va faire? Ils risquent de voter tous pour moi. Ba voir monsieur Sabi non, je vais les appeler pour aligner les choses. A benga bango a aligner. Na ba candidat MLC to zalaka 8 hein, 4 hommes, 4 femmes. Quatre hommes, les alliés, président Bemba, Ndeko Moko, Jean de Dieu Moleka, na Anise Kouli, na Roger Nimi. Pas Roger, Romain Nimi. Romain Nimi. Romain Nimi. Roger, c'était son grand frère. Romain Nimi. Ba candidat à Bassi, les alliés, Ngaï, maman Koimafuta, Christine et Paul, qui est DG à Messicoyo. Na de Girard na mama mama moko mama pasteur mama moko na bosani ko mama mama pasteur bazai 4 personnes yaza point focal pe ya MLC na côté a Kingabwa tozala 4 hommes 4 femmes l'ère ya élection président Kaboli yango tobimi 2 hommes 2 femmes président Bemba na Romenimi mama ko imafuta nangai biso les 4 élus MLC sénateur na Kinshasa na 2007 élection. Il faut rappeler que MLC Bazaka en termes de nombre de députés na assemblée provinciale ya Kinshasa. Ouais. MLC déjà zaï to zaï na 22 députés. Politique ya ya. To zaï na 22 députés élus ouais. De bango na ba vota biso to bima 4 de Chikoyo. Lokola déjà na bala li colonel na ici na kota ki MLC na bimi élu ya MLC, je suis allé le MLC m'a reçu, on a formalisé les choses et directement le président m'avait nommé secrétaire national chargé de la jeunesse. Comme Nazarina Nuka et Longaba Jeune. Après, il a changé, il a commis adjointe à Dr Mungani, il a été élu Sikoyo, il a ministre de la Santé, adjointe à Nae, chargé de fédération extérieure. Après, il a été Longawana, chargé de la fédération extérieure, il a été gérant Tumba. Nazareth Sko adjointe ya Gérard Ntumba et na lungweka wana mbala moko ba trahison ba tomalo waka ba kei ba jalise ba kei ba kei mbala moko pa na 2000, secrétaire général na 2014 le 10 décembre 2014 secrétaire général donc on kokisa 10 ans le secrétaire général oui à Oumeli na fonction na MLC mba na piki darapo si comme comme nazara gouvernement bon. Intérim nange za assuré très Baba. Bien na Fidel Babala DG na biso na Sakim voilà MLC MLC MLC la muka to kende mais to pesa na maloba na Eric Lukoki hein la rubrique na ye avant to chuter na mama Bazaiba les sont dans le moi au tigamo exacte Eric Lukoki que pense la rue maman Eve Bazaiba est une personnalité publique personnalité politique actrice monnaie et société civile atika maramba société civile t'est-il loin azaka na regard wana même na ba commission réunion sa président toi za la ramona kaka akota makambo na kasi balabala pe ba yi makambo na yo baloba makambo na yo ba yo makambo na yo dans quelques minutes, que pense la rue avant tout l'obélasco, dernière partie à émission consacrée na Makamazo Salalelo, puis na partie au Yasuka ya combat politique. Merci. Merci Thierry Kambundi. C'est donc l'heure de Que pense la rue? Que dit la rue? La rue ne comprend pas qu'elle sera cruelle. Hein? Balobara donc la bête ramassasse quand il y a un peu de paranaute, il y a un peu. Alors, question à l'Igosso, na zappé moi et belé belé. Maman Eve, bande koba tuni boue, yango pilio lati, yamo bali na yo, et aussi la mokolo nini. Parce que bah li komo na yo, et longi obé, mawama. Nga na van na lingi émission, azamu tu ya mawate, mais na tuni mo tuna la po outi, na ba yo bako tala yo, peut-être bako observe yo mieux que ngaï. Est-ce que c'est à solo que depuis, on se remetta te na perte yamo bali na yo? Eza solo na osala makasi. Il faut quand même dire que c'était mon mari de la jeunesse. To sali na e 37 ans. To botibana, to kumbi bakoko, c'est on était trop proche dans ce sens que to sali politique biso mbalé ensemble, ba match ba makambebele. Donc c'était une personne avec qui tu as partagé ma caméra, biso mbalé à moi c'est mon bali, tu as partagé ma kamambo kaya politique, tu as partagé ma kam to sala ba jeu moni ba jeu ba sala na ndaku ba jeu pays pays capitale boye moi ba jeu ndenga on était dans l'intellectuel da boye to lo ba français to lo ba swahili to soyi tango zaine ba problème en santé to ke na ba mboka lokwa ba poto ba Afrique du Sud États-Unis to lo bi anglais to zoyé ko la ba anglais biso mi balé. Donc on faisait un peu beaucoup de choses ensemble kazai moninga na yo pesa as comme il prend un ami moninga et puis ngamu to nazala ko bela ngam nazai ko bela nenge ya eko bela azai c'est vrai na ba problème en santé ba problème en rein mais on savait les gérer mais souka na yé ngam nazala malade makasi. Na beli makasi ipo na kufela bandeko nanga mi satu mukolomoko mi balé na Afrique du Sud noko nanga na grand frère petit frère akufi na Congo awa bango mi satu bakufi mukolomoko c'était le 24 juillet 2000 et je ne pouvais pas m'en remettre na yango to komi na décembre to za période de COVID bakisi nanga esili moyena zo bakisi ezate. Alors lui il avait des peines comme on nanga ke to kozwa kisi ndenge nini moi nanga moko aza pilote aza na États-Unis a otinda ba ninga na yeso ki moi avion moko yoke na Afrique du Sud même ba avion et même bakisi ba même nanga bakisi. On était dans ces périodes là asalika malaise fièvre mouke et tout. Le 2 janvier. Accueilli. Le 2 janvier 2021. Donc, je suis resté écoutant dans la faiblesse. Et puis, brusquement et de manière inattendue. Il y a qui préparait. Vraiment, il y a qui mawa. Bon, bah, tu vas bien rapide pour changer accoutrement. Surtout, bah, mais ça n'a pas mon anana souki à bachignon, défrisé, n'a tché couronne. Yem tabana ou linga ba couronne, ou anabitia couronne, boye salaboué. Alors, na linga ika na changer style. OK. Na kolipeti. Na kolipe. Olena bando le kisarango ngana basuki na banini. Na za propre ti mama peso akangi tambala mabeza te. Okoli mozaka kituko Na kolipe. Na koli. Voilà. Nous avons passé aussi la kaka. Et aussi là. Et aussi là. Bah oui, il faut dire que ça fait 4 ans et que ça 4 ans. Na 2025 ça la 4 ans. Voilà. Alors, mutura mususu ndeko alobi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, moto, kisi. Pona kisi. Kisi, oh. Kisi, pe na moto. Me, na moto ya ba. Na moto ya ba moto. Voilà. Kisi eza matiti ye makasa. Siko mutuwa sala matiti na makasa. Mutuwa sala mai moto. Ah, nzambe. Nzambe. Bini no sobo lwa nzambe. Ete, ya nga pende eza evreti. Nzambe. Nzambe ya moto. Elogo batubabosa na yangona. Nzambe za moto ya ba moto. Voilà. Eh, mabolongo nanga toujours na se, libumu na se. Te wana, wana nous sommes musulmans nita. Nza musulmans. Musulmans koutou front na se. Front na se. Na mabolongo na front nyo seza na se. Pona nzambe. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire. Et loko ezala na ngai humilité. Humilité. Humilité makasi. Yumu tambango zara. Et te mbanga eza humilité. Humilité na mbanga eza lomusu. Mbanga eza il faut koloba. il faut obéir là, il faut obéir là ndoki avant mon ngongo ekima. Il faut que loba n'ayez pas peur, papa loba ngo papa Jean-Paul II, n'ayez pas peur de défendre vos droits. Il faut obéir là, il faut que loba ngana ça la l'arme la plus puissante. Il y a qu'au convaincre les alliés dénonciation. Et puis l'arme la plus puissante, il y a qu'au convaincre les alliés sensibilisation, conscientisation. Il faut ebima na maluba. Très bien. Alors, montuna oyoyo. Wande ko beta li solo nini outi UDPS OK na MLC mais namoni que c'est des hommes ko rai ko lana Etienne Tshisekedi rencontre na onaye rencontre mon fortuite marché puis au côté na parti na ningo landi MLC parce que bon na moment na monaye que c'est le hall na de ko Jean-Pierre Bemba mais au loin qui paie d'une doctrine à une autre virage wa ne sa mandengenine dans social de la social-démocratie au libéralisme. Oui, c'est ça. C'est vrai que l'UDP, c'est allé parti moro sociodémocrate, MLC, c'est allé parti libéral. Mais au moins, il y a un contexte, c'est un beau cannabis, comme tu résolves, on peut faire la société, même si on est libéral, bah libéraux, bazo s'occuper peming na société na vie sociale et abato na démarche na bango libérale pour renforcer plus côté initiative privée que l'état providentiel les athées les aba privé de basa là pour l'état bikarana taxe à privé mais on est toujours ramené vers le social de la population. Il y a un MLC qui a devise la solidarité. Solidarité est approche de la sociale. Oui, mais c'est de l'antinomie, puisque vous êtes travail. Vous êtes libéraliste, libéraux plutôt, libéraux, et mais vous prenez la solidarité. Libéral, sociodémocrate, objectif, et ce qui n'est pas dans la population. Libéral, de ce qui n'est pas dans la population. Je vous dis, les contextes, il y a pays qui sont en voie de développement, que vous soyez sociodémocrate ou libéral, ça vous ramène vers tous des questions sociales et communautaires. Alors, mon tour, au banet déjà qu'on répondre, mais des colloques, tout n'a qui n'a tout n'a pas un kaka à l'obi. Au cobrasé que le bakozali secrétaire général et MLC, secrétaire général et MLC, alors que Yebi, en tant que juriste, que c'est incompatible, n'a fonctionné aux uns à un autre. Justement. Alors, Denenini Okoki, t'es na Twitter na yo, kouba ke, yon des secrétaires généraux. Naza secrétaire général et AMLC du point de vue des droits, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune décision contraire les Longo Langai. Mais par rapport à la situation Nangai, à membre du gouvernement, je suis mis en disponibilité et intérim Nangai Ezali assuré conformément à la statut Nabiso, conformément aux lois et règlements de la République, par le secrétaire général adjoint qui est préséant. Qui gère les partis. Lui aussi, mais, mandataire public. Mandataire public, a eu ça, la moussala et la politique. Ah bon? Mandataire public, c'est incompatible. En tant que directeur général, c'est En tant que DG, a eu ça, tenir la réunion politique, a eu ça, la boue. Vous pouvez voir la loi, azana droit, mais ngaïnde, nazana droit ou anate. Mais je peux quand même aller dans la réunion, il y a parti et tout, mais je ne peux pas exercer des activités politiques à part période où qui autorisé Nabiso période de la campagne électorale. J'ai bâti campagne sous le label et à mouvement de libération du Congo. Je sais ce qui décision est à Sikaye pour n'a Longolanga comme secrétaire général. Ça les mesandé moronet président. Président Nabiso est parti à qui exercer directement et prendre des actes comme président à parti à sa mise en disponibilité à taler tout à une congrès résolution et salima kibongo fidèle baba la n'est secrétaire général adjoint assumant l'intérim du secrétaire général et il signe aussi au nom et pour le compte du président national. Nous sommes dans cette même situation, c'est tout à fait logique. Il y a un ababé ngaï maman c'est j'ai n'a pas mais je n'exerce pas ce qui président. Tu as une instruction qui va nommer secrétaire général Moussoussou, na comme secrétaire général honoraire. Honoraire. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que non, naye baga nanga banda kala ki exercice du pouvoir est difficile. Mais si ko yo nazali na exécutif, j'exécute un programme. Autozo exécuter ezali vision un chef de l'État, ezali couler sous forme un programme coordonné par la première ministre, nga nazo exécuter. Na katia gouvernement porte-parole azali bemoko, ezali ministre de la communication. Et je ne peux pas exercer ma camo politiquement. Mais si j'ai l'occasion de parler dans le cadre d'un ministère sectoriel, je parle de la RDC Pays Solutions face au réchauffement de la planète. Je parle de nos potentiels. Je fais le marketing, diplomatie environnementale. Mais des questions politiques, politiciennes, non. Politique du développement, nakoloba. C'est que vous avez une conférence dans le lobby. Réunion entre les ministres, je parle au conseil des ministres, je parle dans la réunion interministérielle, na koyiko loba pe na libanda ya mboka ba ministre a pays mususu na pesipe ba déclaration ba neto na ba conférence internationale na koloba. Mais combat des rues lususu na ki na télévision na beta masolote. Soki na longue na gouvernement, na za na parlement. On suit. Il ne faut pas qu'on confondre l'auditoire. Voilà. La question que je voulais poser, Zaline, de quoi êtes-vous fier? Que croyez-vous avoir réalisé en tant que, d'abord, vice-premier ministre, l'évêque ministère na yoti na niveau moral supérieur, il y a environnement, paix, allez, ministre d'État. Nous avons réalisé en trois ans maintenant que vous êtes là. Alors, quand on a dit qu'on a exécuté le programme, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit input ou bien bilo qu'on a contribution. Alors, tant on a dit qu'on a vice-premier ministre dans le gouvernement, on a dit qu'on a pilier 10, Et là, on a dit qu'on a faire revenir la République démocratique du Congo dans le leadership naturel environnemental. C'est fait. C'est le travail que j'ai fait. C'est fait parce que le monde entier au koki ko kenena esika moko te bazolo ba makambo etali environnement, makambo etali surtout climat, réchauffement de la planète ou transition écologique énergétique sans que ba cité République démocratique du Congo. Et on connaît na ba oloba na français, ba oloba na chinois, na anglais, na allemand, soki na langue nini, RDC pays solution face aux enjeux du climat. Alors que hier lobby et l'oleki batou baye bakili kambo anate na présenté na sali marketing na te ki j'ai vendu la République démocratique du Congo na sali marketing ya RDC sikoyo ezali ba dividende ba retombe kota mbala liboso na kanisi boyoki makambe ya marché crédit carbone kote kami pepe na biso ya zamba boyoki yango na ngai et puis tokomi kote kami pepe na biso ya zamba moi quelque chose ezo kota déjà na trésor public oyo ministère de l'environnement ezalaka bazo benga ngo bisika bikauki parents pauvres et kokai ko mobiliser ba recette oyo ekokite melelo tozo salango kote gestion ya bazamba kote makambo etali climat. Alors, si quoi est-il parti mususu pour environnement, ça m'a cambébélé. Environnement, ça lutte contre la pollution. Pollution, il y a des minéraux. Oyo bazo sala ko bebisa ba rivière na biso ba makambo boye nazo travailler na ngo etikali ba ninga na biso ya mine ba yeba ke bien ke bango bazali na unité moko ya lutte contre la pollution ya ba minéraux na ministère na bango mais ministère ya environnement de azo mema mukumba etikali siko na gouvernement ba pesa ngai assainissement. Assainissement ba pesingate na gouvernement zo brûler ba étape mais le bagarre question na ezali na ko iko kata wana na landayo na landayo oui makambetali assainissement par exemple je n'en ai pas en main comme na za na gouvernement central assainissement biso to za na direction ya assainissement rôle na biso ezali ya ko émettre ba ko préparer ba politique na ba stratégie opérationnalisation c'est-à-dire kolongola matiti ko komba balabala ko kolona ko salandeni ba fleur ba makamion sezalina municipalité top au niveau urbain ba ville neti ville na ba commune nde musala nango ya mwana moni président de la république mbaloyo a nommé non seulement toza na ville a nommé au niveau national ministre délégué en charge ya ba ville de asala makambo wana mais loko ko sala ministre délégué wana urbanisme et habitat na bato a ville avant ba sala il faut battre la politique yo ezo tananga mais soki za la ke ba pesinga opérationnalisation sur le terrain na rosala mais na sengi déjà na niveau à gouvernement que to sala moi exception moi dérogation que arne to ardeur to engagement na zo sala na ona gestion ya mboka ya gestion ya bazamba na gestion ya climat na zala autorisé na gouvernement pour appuyer pour soutenir la ville. Pour niveau à Kinshasa, niveau à la ville, nous sommes tous les Matadi, les Lubumbashi, les Kisangani, et comme ils ont régressé, ils ont la salubrité, ils ont posé problème à Kassi. Très bien. Alors, question là-dessus, Ezali, mais Moutouna Oyoyo. Programme 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est-à-dire l'année passée. Tout ça va bien. Et programme 1 milliard d'arbres est aussi déjà colonna. Hein? Oui, oui. Boloni, milliard d'arbres. Toloni banzete. Et là, on est battu. Boloni. Tozoni banzete, 8 millions. 8 millions sur 1 milliard. Yoka. 800 millions, 900 et quelques. Totikalaki na 13% à date au Tobandaki. Tout ça, la campagne électorale. Ba pépinière et nion sur Ezali. Un milliardième arbre et pesamaki na mokonzi ya mboka le 5 décembre année passée pour na kolona ngo na niveau na biso oui oui okay. Ba rapport ezali na pesa rapport na pesa rapport na conseil des ministres rapport mobimba ezali siko bato balingi ba mona nzete yango ekangami esika moko oui. To sali un milliard d'arbre ndenge nini ya liboso l'ère na ye président bandaka ngo na 2019 n'est-ce pas oui. Nga na ye na 2021 na kuti 2 ans Ezo lala. Mbongo ezo bima na gouvernement te lo mokote. Ebi pona lo na nzete, avant lo na nzete, il faut za na mabele. Mabele ako lo na nzete, ou prepare mabele, ou zi nzete ou tie, ou akompanya. Ou il ne suffit pas ko lo na nzete, il faut akompanya. Plantine moko, nzete moko, to graine, ou sali pepinière tie kola, eza a valeur à peu près, so ki a l'arrondi, neti, $1. $1 neti ba 3000 francs, et 1500 francs sont bien zété valeur à cause la labour valeur à cause pamay ça n'est rien de la polo n'a zété 1 milliard d'arbres il faut ça là na 1 milliard de dollars gouvernement congolais boko iko tala botu na bango IGF azali soka pesa ngai gouvernement congolais trésor public et pesa ngai 1 milliard d'arbres mais poto koma na banzété wana to sala ndenge nini quand mokonzi ya mboka pesi vision adhésion yé na bato nyonso ngai na 2021 l'air na ye na sangisi société civile misala nyoso ba partenaire ba saleza na programme oya pif ba bengaki programme ya investissement forestier eza la programme ya pired eza na ba programme susu oyo nyoso na ba partenaire ba zana mboka na biso na capitaliser yango na misolo mukezo uta na fond forestier na capitaliser yango pona banzete gouvernement ye moko azui charge to salaki 11 provinces to salaika ka 100 hectares par province o to travailler na ba ONG to déployer bango balona mususu wana to capitaliser o ba privé nyonso ba salaki pona kolanda modor de la président pe de toutes les façons bango mo ba lobby to landi modor de la président de to capitaliser yango et puis programme wana esilite e bien milliard d'abe utaki wapi gouvernement congolais bazwaki engagement babenga ngo défi de bonne que pour to battre la zamba na biso ya munene bongito za na bazamba moko alternative oyo batu ba wiko kata banzete ngo basala ba makala to bakoni to makamususu poto toucher zamba ya munene te esengeli chaque mboka azo engagement na biso ezali to lo na banzete na 8 millions d'hectares sikoyo président de la République n'a eu aucun taux pour booster engagement wana à sali programme na ye ya 1 milliard d'arbres. Pe programme wana si lité toloni banzete mais tozo continuer sikoyo ko ko entretenir ango po stratégie ya kolona banzete malamu ezalaki pona biso to sangisi bato so toloni nzete agroforesterie toloni nzete na biso neti ya acacia mutupe aye pembeni aloni masangu na ye ou bien aloni nzete a pondu tangu ya zo sarcle pona masangu pona nzete a pondu nzete na biso pe ezo zwa moi mu pepe wana ya bien bambula pe eza ko aider to kutana ki c'est vrai pe na moi ba makamu mususu na pesi exemple awa na Kinshasa na nsele Place to lona banzete wana. Depuis bakunda président Etienne Tshisekedi côté en Selewana, batu nyonso balingi banda kokakuna. Donc ba eko spolier et sika oyo ezali terrain wana parc animalier de lancer les ala terrain na ordonnance présidentielle za normalement eloko ya présidence. Et sika na to sangisa na batu a tourisme, tango environnement ezala ki environnement protection de la nature et tourisme. Donc ba toki tongi banda kuna uti komona sikoyo. Ba militaire pe bazwa ba tongi cimetière ya ba soda kuna mais banzete ezali ndambo ya banzete ezala ki spolier na pesi exemple na Kabunene na Katanga na okatanga koto kokende kote ya likasi to lona pe banzete wana ebele na 100 hectares tozala ki nango une partie ministre ya mine au niveau intérieur a outi ko octroyé bato ba titre ba sali exploitation minière ba détruire na Sankuru. On a connu le même problème. D'ailleurs, ba chef coutumier kuna ba lobby bango bazwa ki mbongo ebelete o leto travailler na bango to uti kozwa batu na secteur mususu ba eko travailler na secteur mususu ba tumbaki kutu batie moto na kinzono nana mampu lere makambo ya mobondo et yaki awa ba yaki pe ko perturber. Mais dans l'ensemble nous avons fait un travail et nous sommes en train de continuer tilelo. C'est pas pour rien que fonds forestiers ali fonds forestiers, on a moins bambou, mike, et bimak. Mais le gouvernement n'a jamais sorti un milliard de dollars, même pas 500 millions. L'objectif a été atteint. C'est un objectif noble que nous devons continuer. J'en profite à travers vous. Koebi Samutunyo, ce qui est l'objet de toi, Amanga, pour moutou à l'onati. Ce qui est l'autre, Molungé, c'est à toi, na c'est à Nzete, pour moutou à l'onati. Pourquoi biso peto lona mutu na mutu na vina ye to komi soki 15 millions d'habitants awa na Congo na Kinshasa et 200 à peu près ba 150 ou 170 millions d'habitants na mboka na biso mutu nyoso soko kanisi lona ta nzete moko otika pona avenir et kozale 5 mingi. Alors et ya motena tuna mutu na mususu na nyaye ba to suka wa pina pollution ya ba rivière à Rumi, c'est il y a Pembeniawa, mais rivière Chikapa, rivière Kasai. Oui, dossier à rivière Kasai, tant on a Kenaka, Tokuta, Angotozana, dossier Zali pendant il est lobisona na Angola, pour source d'Ango et Utan Angola, et les Kepanabiso Kasai, et Okuta na rivière Chikapa, Nanenge, Yekobima, Moko Yaba, affluent Yaba. Mais vous avez un moto à l'époque, oui, les solutions que vous avez lobby, mais. Les solutions sont d'abord pour la population, mai yango moko eza détergent et nettoyer mai yami balé makambo etali ba forage to pesa alternative ya forage ya ba mai na ville ya Chikapa et puis renforcer la capacité à régie des eaux ezalaka déjà na Chikapa problème ezala na régie des eaux pour bato ba bandolinga ofuta mai te ba mesana ka mai ya ofele ba monaka ke pour mai yele na ndako aba na risque ko futa to renforcer la capacité à régie des eaux yami balé pour na rivière Arwimi na kenanga imoko personnellement ministre Mama Samba à l'époque ministre Amine a retiré toute licence et droit ya exploitation ya ba chinois wana po bango ba yakande na document ya recherche bakenda penza bakenda te po na complicité na niveau ya gouvernorat complicité na ba militaire na ba policier complicité pe na bana mboka bana mboka na basoko bango moko a préféré azwa ya yemuke mais abatela ba chinois oyo bazala wana ngai mo na koma personnellement on a interdit fonctionnement pour que batuana ba continuer ko salater pour ba eloko bana mboka bazoye bate buzo ba ezali nini soki mutu aye na document ya recherche azana obligation ya ko sala clause sociale na batute azana obligation ya ko pesa eloko moko te asali ka ba recherche na ye ba rapport a pesi a na niveau ya mine batala est-ce que ba minerai ezali wana teneur ezali malamu est-ce que tokoki ko exploiter mais bango ba ye na document na recherche ba exploiter pe ba exporter. Donc, il y a un devoir, une obligation, une obligation pour la population. Il y a un cause à la population. Il y a une population qui, ce qui, pour nous exploiter, awa et bongi aye asomba document licence ya exploitation pe procédure ezali ke akosa la clause sociale nabino ba obligation sociale nabango nde apobino bobanda ko se retrouver mais population talaka ka pe parfois niveau ya bato pauvreté soki mutu ba pesi e moi mbongo mukene ti ba ye na mungwa ba ye na ba savon ba ye na ba bilamba ba omona ke oyo nde ba aide biso même ba école ba lobi ba kotonga ba tonga te eloko monte baza kutu pe obligé te mais sikoyo ngai naza mutu tali environnement pour na mai nazo ta la conséquence ngai na koloba ne na ministre ya mine na koloba na ye na balabala te na wenze te na koloba na ye na gouvernement ministre ya mine nde azui ba instruction et puis mutu oyo akolongola bango azana puissance publique azo utiliser pour nakoloba même na ba gouverneur zali ministre ya intérieur mutu na mutu azo saila limite o sali musala wana na sali musala le doyen wana sali yango près de ba collègue na ministre ya mine ya intérieur et ils ont pris des résolutions ba retirer ba ba chinois wana mi nani mi kanana bango mais pour le moment stratégie ba chinois ba sala inini il faut ba longola ba drag na bango nyonso ekende na kisangani sikoyo ba longoli ba pièce ya ba drag ba lobi drag eza ya kokufa moyen ya kotire ya côté il faut sikoyo gouvernement congolais à travers ministère ya transport ba ya na ba masua oyo ba benga ka masua ya kauka pona ko drainer yango masua kauka pe ya ko bena yango ti na kisangani ezate dernièrement na yaki kozwa mukanda l'air mama oya komi sénatrice sikoyo azai gouverneur ya province ya Tchopo na zui mukanda moko ba ki osenga autorisation ke ba faire fonctionner machine pour etambola elungwa apesi bango autorisation ngana lobi c'est de la malice. Alors, après c'est autorisation, là, après c'est autorisation pour machine et tambola et kende côté à Kisangani, non, bango balongo les machines étaient batika linde ko exploiter. En fait, en collaboration avec les chefs de groupement, avec les chefs de secteur. Oui, bien, mutu amukili, l'air monsieur c'est zalaka moi passe. Mutu amukili, azalaka neni ni bapesa expression wana. Lokola ngulu na ndenge ya kufinga te ngulu na yo ponga na botama na mboka na opesa ka ba histoire ya mboka oui. Soza na ngulu na kati ya mboka oyebisi ngulu yakatoke na mai okobena ngulu okosufrir po me mai ti boyebo komi na mai lerbo ko ya okoma na mai osali musalo sukoli basani ba, sukoli bilambe si okangi obie koki ngulu tozonga sikona na nako wana kutozwa ile sute asepet kenya aseplen et sika o ya boyaki donc l'être humain il est comme ça parfois tu te bats pour son propre bonheur mais azo soso la bonheur ngote mais on n'a pas de choix quand on est gouvernant na mabena malamu on se bat mais je vous dis que dans peu de temps on va trouver des solutions parce que le ministre actuel des mines je lui ai dit parce que ma profiter qui n'a moi transféré la situation tout ça là qui de novembre jusqu'avant gouvernement et banda novembre année passée à peu près 4 ou 5 ou 6 mois tout ça là qui na période à expédier ba faire courante tout ça là qui na droit à cause mukano mon côté de ba chinois on a ba profiter qui les mais maintenant vous allez voir comment ça va être fait que la même population ne se batte plus pour dire Balongole biso ba investisseur parce que moi j'ai construit des écoles là-bas, je n'exploite pas les minerais. Voilà. Transition ya malamu. Bakoma obinga yo mama fonds propres. Oki. Et mbongo o kosay la misala, misala ya pamba pamba te. Oko tonga. On parle de réhabilitation et modernisation de route à 45 km, à 150 km, aérodrome Yabasoko, Ozumi Soloana Wapi. Nazana salaire nanga, IGF a quoi contrôler, je suis payé. Et puis je suis une femme d'affaires. Moi je suis consultante internationale. Et za nati na te ko bele la makam. Ngai nazana ban. Moi nanga liboso, ya moi si azana poto, azat parlementaire, élu na Hollande à Balakuna. Moi nanga mi balé aza médecin, aza député élu. Moi nanga mi sato aza États-Unis, aza pilote. Moi, nanga suka azali juriste azali homme d'affaires awa yé muta remplacer nga pena parlement za député national famille oui oui toute famille oui oui c'est ça c'est oui, la famille fa. Moi et mes enfants moi et ma famille nous servirons mon pays nga na koyiko za la terre on peut vous opposer qui na o na ka na parlement wana na assemblée bazali koloba que suppléant za la moi ma famille té mais la loi n'a pas interdit. Si la loi interdit, nous allons l'appliquer. Et puis ezaya boyeboyete, ce sont des enfants engagés. Famille nangai engagée dans mon parti d'abord, ensuite pour le pays. Et puis mon mari est parti, je suis une veuve, c'est vrai. Mon mari ne m'a pas laissé dans la vue, dans la rue. Sikoyo narotika la awa elo ni na oluka. Naza a besoin osomba mutukate, naza a besoin osomba ndakute, naza a besoin de na devoir obligation avant na kufa. Na aide mboka na ngai na aide na sala na tika ba trace ndambo na za nango na zo travailler. Si vous voulez savoir sur fond propre, c'est-à-dire quoi, d'abord les lampadaires. J'ai commencé par les lampadaires bota la talo ya lampadaire monko. J'avais fait le plaidoyer balobaki gouvernement balobaki akotinda 100 lampadaires par territoire. J'ai fait des plaidoyers pour avoir les 100 lampadaires à Basoko, na territoire à Basoko. Je n'ai jamais eu. Na sali yango na kisasa. Na masolo ya balampadaire auto. Na masolo ya balobaki gouvernement otinda balampadaire. Okay. Na sali plaidoyer na Kinshasa, collègue ministre ya énergie, ressources hydrauliques et énergie, l'électricité atinda ngana kina kisanga na ke pas directeur provincial. Zela lelo zela lobi, aucun lampadaire n'est arrivé à Basoko. Alors moi je sais où on vend les lampadaires à moins cher. Je sais fabriquer, nga naza constructeur na tonga ka bandaku, j'ai mes maisons na tonga ka. Ezayi style ya mobali nanga atikeli bana bandaku nombre ya bandaku eleki nombre ya bana. Azayi c'est un autodidacte. Ezali. Alors na yebi ndenge batonga ka. Na zui na sali ba lampadaire na zoti yango na mboka na ngai. Po eloko emotivaki nga na mema bakoko na nga na mboka. Balobi o mama votre village est beau mais c'est tout noir. Po bafinga lesu su village nanga tout noir te. Otibalampate mais koki nango pete na otia ndambu ndambu. Je suis en train de faire petit à petit sur fond propre. Les preuves sont là, les factures sont là. Soki na dekese mbongo nanga na pro crédit et yebani. Deuxièmement, po na banzela. Qu'est-ce que j'ai fait 150 km. Oui, na nécessité. Oui. To bandi déjà toza na 45. Et au combien? Aux en prix. Ça va venir. Ça va venir. Oui, non, t'es combien au coûte? Eh, pour ndambu ndambu tozo lo ananga li auto malembe malembe, libanga moko moko tozo bo kezo avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des entreprises, des exploitants forestiers na mboka. Ba signa ba clause sociale na bango. Soyo olingi pe na kopeso yanga bi ngai boko signer nanga clause sociale nanga en privé comme Elia. Vous allez donner vos engins. Moi je vais mettre du carburant, je vais payer les cantonniers. Avec les engins de Sodefort, Tobandi a parti à l'île Kotozo réhabiliter Nzela Malem Malem, les routes des dessertes agricoles. Ne tozale à Tokomi Namboka Mobabenga Abokondo, Potobima Basokoto relier territoire à Basokoti, Tobima facilité Kokende Kisangani. Namoni Mouswana Sodefort, Fodeko Nakati à Basokope, Société Moussousou. Bazaliona bazana mikana na bango a nord ma camion sa vie vous avez des engins ngana na mbongo osomba ba ba engins na binote ba mini ba ben ba pelle chargeuse ba extravagateur nazana ngo nazana mbongo te vous allez donner vos engins moi je donne du carburant je paye aussi yango na tozo sala nzela côté ya ba secteur mususu wana ya liwasa na ko sala yango 150 km ça ne coûte rien. Mon père quittait avec la voiture impériale tozo bengango Impala de Basoko jusqu'à Kisangani 270 km mais aujourd'hui impossible même diru e kolekate ponzela ezate bon ngai nazana ba société wana ba sala ba nzela na bango kaka esika bazo exploiter grim na bango ba bimisa bon ba nzela musuna otike la bango alors que ngana nazana pouvoir. C'est la volonté, tout simplement. C'est ce que je suis en train de faire. Je insiste à la sur le fond propre pour que je puisse à l'État. Tous les jours, je suis à l'IGF à l'État pour contrôler. Nazo salango. Si je suis à l'IGF, je suis à l'aérodrome. Je suis à souci makasi. Na à la campagne électorale. Président Félix Tshisekedi a tambola même na ba territoire et belé à sa campagne. Même le président nanga ya parti VPM Bemba a tambola na ba territoire et belé. Mais Kisangani bayaka na Kisangani do ba koma banal ya te ba foisin de te opalate yaumate isangite ba sokote ubundute. Pona nini ba territoire wana nyonso ata place avion ko kite zate pour président au calculer so ina lobina ki na nzela nzela zate so ina loba nzela kano ça va me prendre 5h 6h 1 mois pamba ko beta campagne Congo mobimba na yoka ma moi je suis proche du président de la république je suis proche de mon président national du parti je pouvais les amener là-bas pour la campagne batu bayoka banka na sango télévision ngam na tiaka télévision na basoko bayoka bango na sango mususu kutu nan ba mona na misute ngana lobino aérodrome ezalaka na tangu na biso lero wana tozaba na miketo zomona avion ezo kita na ba missionnaire esuka soki na ba 1900 soki combien wana esala ba 50 ans lelo me terrain yango tobengaka a pleine ezali na lobi sa coûte quoi débroussailler mettre les hangars appeler la RVA ba ye batali ba sali plan directeur ba lobi na biso couler béton awa esala neti place ya piste d'atterrissage. Et ça, il y a fréquence militaire, mon moutolingo qui t'a battu, balisé, terrain, avion a quitté. Mon conseil a quitté. Mon bout a bandé au Kitawana. Président, mon bout a bandé au Kitawana, un hélicoptère, na yé, na pleine, wana, azo kita, azo solana, chef, moko, ya loku tazaraki, wana, papa litunge à l'époque. Pourquoi pas, ba président, si kaba kita. Pour gouverneur, akoma kuna. Lera ngoka ka gouverneur ba manisa zalaka ngam na benga ka ye akita. Donc mboka eza enclavé na ndenge moko soki ba konzi ba comité moi évolution et au salimate et je l'ai fait sur fond propre mais entre-temps na bengaki yango matabisi pour pédel les ali. Programme ya développement local et comment bazo tonga kitoko bureau ya ya nini administration du territoire kitoko ezo avancer pembeni ya rivière Arwim batongi ba centre de santé na secteur ya Turumbu mboka moko ya mukanda bazo tonga école moko côté ya Yalimbongo na ba secteur mususu bazo tonga pe centre de santé mususu ezali mengai na ibisa ibango l'état azo tonga ngai pe ko ngana ko iko partager na bino bo votaka nga olina bando pesa ka inka na mutu esimba te projet communautaire soit de réhabiliter école totongi école mabe ezawapi soki to réhabiliter aérodrome wana ekomi opérationnel mabe ezawapi soki to réhabiliter centre de santé bana nga médecin bazo sala mabe ezawapi pona bomba bino te mwana nga pilote mutu azo tia makelele pona projet wana ya aérodrome mwana nga ya munganga ye pe mutu azo tia makelele pona projet wana ya ba centre de santé mabe ezawapi. Voilà. Ce qui va servir ba koko na bango, ce qui va servir ba cousin na ba cousine, nga na botama na mboka. Je suis mbokatier. Né au village, grandi au village, to ya na ba mboka mundele kotanga. Bana na nganyo so pe ba yebi kobomambisi, ba yebi koluka bwato, ba yebi kotia mitambo na zamba, mabeza wapi? Ce qui ba zo sunga mboka. Et puis na sunga ka ba sokote. J'ai mis des radios communautaires na Banalia, Bafwasende, Ubundu, Yauma, Isangi, ezana yangambi. Je l'ai fait aussi à Mbandaka, je l'ai fait à Bikor. Et puis na bamboka mususu neti soko ke na Kasenga lelo. Ba otangi loko mama baba zaiba. Na kendati na nini na mitwaba. Na okatanga, na zana ba action na nga kuna na mitwaba. Donc ezana niveau national. Voilà. Alors motuna own. Ndeko, et ce qui s'est passé pour Ndekolobi, tant au monaka, vidéo, ba kataka, ya yu na ba réseaux sociaux, kolo ba pouvoir ya likama, ya corruption, pour na koma ki ya iniquité, na lelo ndengo koma ko l'impa. Président Félix Tshisekedi, olobara nini? Mais je m'assume, na lobara nini, j'en lobara, je m'assume. Donc, kota yango te, na lobi, oui. Au koti. Na koti, parce qu'il y a eu des négociations. Mais on a fait négociation ngai sale makakati. Et ngai sale maté tangu nazalaki na contexte. Et loko batu baye barate, c'est le contexte. Moi d'abord, j'ai des engagements avec le MLC, avec le président Bemba. Il faut dire, je suis là dans les contextes, c'est le MLC qui se déplace. Au moni ba oyo balobaka ba trahir, a sali boye ye moko individu à s'isoler. Moi c'est la politique de mon parti. Politique à parti, tout ça qui n'a qu'à tirer la mouka, n'est-ce pas? Avec l'idéologie à la mouka, avec les combats que nous avons faits. Et puis après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Oh, on a dit si bien que je m'assume. Donc ici, quand on a négociation, président Nabiso, Akutanina, président Félix Tshisekedi, Basololi, Azongi, to Sololi na bureau politique, to lobino. Pour sauver le pays, par rapport à Namakamunenge le Kiboye, nous allons prendre telle position au niveau de l'Union sacrée. On a pris, c'est le parti qui s'est déplacé. Donc, Yomuro, vous avez convaincu, hein? Si. C'est le parti parti, parce que le parti est allé décision. On a pris un exemple à niveau supra. Vous avez position à la République démocratique du Congo, na Rwanda. Alors, lorsque le président de la République avait pris la résolution de faire des tournées une fois élu à qui na chaque mboka ya ba neuf voisins y compris Rwanda ba simbani na président Kagame maboko ezalaki ki ateki mboka. C'était la stratégie ya gouvernement koloba to benda batu nyonso na dialogue na cohabitation pacifique. Mais après quand on a vu que du côté Rwanda bazali na bonne foi te il continue à poignarder la RDC sur le dos. Quelle a été la position du président Tshisekedi aux Nations Unies? Ce n'est pas la dénonciation contre le Rwanda. Ce n'est pas la décision de dire non au dialogue. Ce n'est pas la décision de dire qu'on n'accepte pas. Ce n'est pas la décision de faire partir l'ambassadeur du Rwanda. On l'a fait. Ce n'est pas lui individu, mais c'est la politique gouvernementale. Et puis, Babi, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a Batier kuna na gouvernement puis mami qui au poste important vice-première ministre, oui, c'est ça. Vice-première ministre, c'est ça. C'est pour ça. Otika Oloba. Exact question Otika. Bon si on a Otika Oloba na Oloba na na, nazo continuer ko Oloba. Tu m'as vu que je me suis tu na Otika Oloba na na. Si on a Oloba na, je suis là nazo travailler. Soki likamba Oloba ezali na Oloba. Neti likamba ezali ya Oloba vis-à-vis des Rwandais. Je travaille sur l'environnement. J'arrive à une réunion na Montréal. Na Kuti ba désigner Allemagne na Rwanda comme deux pays du monde qui doivent être des facilitateurs passer à la médiation pour la mobilisation à ressources y a pour protéger biodiversité. J'ai pris la parole, j'ai parlé, j'ai récusé le Rwanda, le Congo, la RDC n'accepte pas ça. Et quand j'ai parlé, j'ai convaincu le monde entier et on a changé de stratégie. On a mis en dehors le Rwanda, on a mis l'Allemagne de côté, on a pris une autre option, mécanisme. Il y a chaque mboka ba désigné délégué moko moko, ça fait 64, ça dit comité moko oyo et qu'on travaille sur l'ango. Et puis pour faire amende honorable, on a dit à la République démocratique du Congo de recevoir ces comités. J'ai reçu ces comités à Kinshasa ici, le gouvernement en septembre dernier, septembre 2023, nous avons reçu ces comités. Il y a mobilisation des ressources et bientôt on va avoir la COP 16. Après COP et à Kunming, Montréal, au Kinesiko, en Colombie, je parle. C'est l'instance de parler. Le dynamisme de la politique. Et Naningina Ebisa, Batou, je n'ai pas trahi l'idéologie de mon parti. Je n'ai pas trahi la vision du président national de mon parti. D'abord, il est resté en dehors du parti, en dehors du pays pendant 10 ans dans des conditions difficiles. Je ne l'ai jamais trahi, namabe namalam. Mais quand on revient au niveau de la politique, tu discutes, si la majorité, il y a bureau politique, va opter boy, et que s'il y avait, je ne vais pas sortir les délibérations, na kati soki balobito le option, nasa na kati a parti, sauf si je quitte le parti. Na kati na option wana. Et quand j'arrive là, je m'assume, ils ont une équipe à football, nasa na vestiaire. Match zobetama neti lobito betaki na Guinée match na Guinée ba ici yo robeta numéro 5 na défense allo batali équipe à Guinée après éliminatoire to robeta est-ce qu'on a équipe mususu yo za la 5 bien sûr mais soki ba beti yo 7 allié oyo robeta bien na robeta numéro 7 coach na ngalo bi beta numéro 7 et puis beta numéro 7 wana ezaka yo na na premier ministre Sama Lukonde kakayo awa lisusu yo mutu musu na MLC on change pas l'équipe qui gagne batu baze ebele balobi kutu MLC batama yele bemba kamwa ki na ende ino se retrouve na gouvernement soumou na babi obeti sese na fachi bokani si nengi nou zaka na parti na bino na UDP sale ya kamwa ki na e botu na président Bemba c'est le président Bemba qui a envoyé mon nom chez le président de la république et ça yba msou babé na parti mais eko yiko sala bango mabe nga na yebi soki yo yebi ba le kabalo ba mabe za wapi baki no mona mokonzi eske na ke iguna na couleur mususu na ke na couleur MLC. Je suis le soldat du MLC envoyé au gouvernement pour servir la république bien que na club na biso na za MLC mettant na copie na équipe nationale na léopard na kati ya gouvernement il faut na betat alors soki muto moni mabe ke coach a alignenga na match ya compétition yebi sa coach yo pe bongisa ka lokolo ko ba na ba entraînement. Oui. Obeta ka bien ba ko peso pe mayo ko za la sur terrain mais eza na ngona problème mon côté président nangai président je le salue là où il est le président Jean-Pierre Bemba Gombo oui. Vraiment merci pour la confiance oui. Et nenga présenta ngai ngala solana président Félix c'était soki sofi soka bengi ngai mais ndeko na ye nde babenga na kalobi bon pion na nga na tindi ye wana bato na MLC bato mayele baza ebele musala to sala ka ezali musala ya ekipe mais nzamba baza roulage soki lelo eza ba pesinga na line na nga vert nga na leka sepela leto lo baka moninga bali sepela tour na moninga mususu pe ekokoka to ngai na boya ka tour ya bato te pour vous dire vrai na kende ko luka te soki mokonzi a pesinga confiance na ko sale la yango jusqu'au bout de na minute na zawa soki mokonzi alobi te yo lisusu te batia mutu msusu na kozala de toutes les façons je suis député élu député national ya mouvement de libération pour rebondir na yo kaka na pour rebondir allez a grâce à nzambe ngikambo angolu mafuta webi mutu so nzamba pesi mafuta ko combattre yango te pinga na zala David na ebisa rabatu nyoso ke nga na za David Il y a banini. David a tant na na zamba ici kana zo petre ba troupo na ngakuna. Nzamba ko yiko tinda se bo lakisi bana nyoso. Na na okoma mokonzi ba lakisi bana nyoso. Me ba weyi sabino me mwana moko azosanga. Te ya yebi mukanda te abiyeka. Ya zana zamba kuna musika yekaka. Don ngana wela kate na sala ka musala na ngai. Na unité siko bato apati wana banani oyo ba azoka mutema pasi dana ebisa o ouais yebisanga jamais ezolo batese ke yo pe ozoka mutema pasi top congo pe bazoka mutema pasi top congo bolinga ni boza na gouvernement ça c'est maman f bazali bo adere pe kasi na mlc hein top congo bolinga boza na gouvernement ba chabina ta ministre de communication boza contre ministre Patrick Muya nenga za voilà hein bolinga ni Thierry to Eric bati a yebi ngala tunika obe mutuna pona Je suis tout dans la lobby. Obéye. Mais bon, tout n'a pas été en bas. Batamaye le misoupe bazan. Bon, que nous tout n'a pas été en bas. Nayoka, Nayoka, Balobaka. Basia maye le pe bazan. Non seulement Basina, Basina, Mibali, Bajene Bazali, et Belena MLC. Nga Sikoyo, bon, Natango, étoile, les ananas, et pas nana. Pessinza me merci. Ma fouta et pas colami. Non, boy, ande nini. Alors, maman, maman, et Bazaïba, aussi ici dans Gaï, Yamotin de Kotiri, Kambundia Zonga Pona, Boko Bapek aussi, ses missions. Nazarana. Chassou Kaisali, Ozolo Bela bilingue, Yabasipe a mi bali, au beti parcours na yo. Aussi si Bakila c'est Nicolo, Nakimokolo. Nakimokolo. Aussi au boti, aussi si peko. Nasi si gobota. Alors, Lobela, Baibanso ou Bakolanda yo, Tamsous a si a boti, Azana, nous na quatrième des humanités, Tamsous pe, Azui diplôme te. Lobela Bangonio surtout, est-ce que Zali possible que Bangope ba espérer Kokoma, Lokola yo, Topeko le Kayo? Okulobela bango otali kamera. Eh bon na otala kamera na oloba na bana nanga. Ba koko bilenge ba jeune ya basipe ya mibali. Na batu nyoso kaka ke koyekola ezana sukate. Foko parfaire et puis ngana za presque autodidacte na kutali na ba parcours ba makambe bele na vi ba difficulté nyoso ba lobakate. Poza ko lobili tama moko bombili tama moko mais loko na pesa nzambe merci. Na makamui balenzamba pesanga idon ya facilité ya balangue po langue ona lo ba place nyoso na kende fungole la nga ba porte même na bamboka libanda okay ibo lobi mwa ba mona olof ozana Sénégal ba fungole li porte olobi mwa ki usa moko na Nigeria ba fungole porte na mboka na biso ba dialecte nyoso surtout kure anglais bana balinga ngote boye ko l'anglais anglais fungole la nga ba nzele ebele na kutana makamu moko bo isengela ina lo ba anglais Il faut que l'on porte bien. Et puis, kotanga, à tous ceux qui m'ont dit, bana basi au baboti, aux ongles la classe, et surtout, on a chance na éducation de base awa ya gratuité et enseignement président Félix Tshisekedi a sali lo mo kitoko pour ce qu'on joue éducation à base ne fût que ti au commun à 7e au tangi pe au felé au ibi kotanga na ko koma et ça va porter fungola va porter belé et puis ba paramba a cadré aussi qu'on a niveau secondaire tina nengo kende ba parampe ba komi lokola ngai ngai monde na sal na zaliawa kaka po na zo travailler full time temps complet na gouvernement na ngai na sala pe PhD na ngai doctorat na komisaka déjà na zalaki déjà inscrite na na LSC université moko na Londres mais temps autant en ligne mindondo kokende koto gouvernement ba mission ya gouvernement et bomise lingangonga na otala na otala il faut nazonge na ngona ninga nazo apendana na bagisa éducation instruction ba formation est très important et puis ba mama ngana sali pendant 37 ans na libala na ngai nazo kipe programme ndaku nazo kipe pe programme musala c'est possible eza esengo koye ba musala Isa esengo ko pesa pe moi contribution na yo ata moi muke na mboka hein et faire avancer ata mingite hein et faire avancer moi muke nde na ruye bisaba mama po na intégrité pe ceux qui na zara ka intégrité na marche na ngao na batu oyo na komo mona neti batu ya koyina babadio bakisa mamwa mingi kala po na position na zanango nde na sina sambwa uzomona soki osambwe okosambwisa na ba mama osambwisi libota makamnyoso mikozala pe integrite kozala na bolingo ya batu komi kitisa ngande na zabu nzamba salanga ngolo chaque jour ekoyi kozanga mukolo moko te soit na telephone soit boye mutu apesa nga felicitation na lo bakaka grâce à Dieu komi kitisa mapeka na yo kitisa yango nzambe akotombola yo merci makamnga na koyi koloba yango wana. Merci beaucoup. Allez, merci Mingi na Eric Luko qui abimisi maman na ma zone de confort hein. Eh, naza bien. Naza bien. Mm. Bon, to komi na suka, maman Bazaiba, to lo bel épisode ya la mukate pour peci déjà réponse par rapport ya position à lobby na position à lelo. Juste deux trois questions de curiosité. Mon collègue Liboso Koutana na président Félix Tshisekedi, président de la République. Dans au côté gouvernement, ezaki ndenini depuis vos rapports sont comment? Bon, nous savons faire la différence entre le différent et les personnes. Mais grâce à Penzamba pesanga yango wana. Les relations humaines ezalaka. Même tant que ezalana bato ape perdre nazana na na opposition moto moto wana. Mais bon, moto boye, tout ça, un problème était, mais biso les problèmes, les différents et les personnes. À partir du moment où les différents électoraux étaient finis, on avait nettoyé ça, il y en a président à partir d'Angay, bah, yokana ki to monana ki mkola libo, so, félicitations, madame la vice-première ministre, à Sengay, to kangi koutou ba photo, puis ensemble, et si, c'était au palais, au palais de la cité de l'Union africaine. Sur so, le papa Étienne Tshisekedi, au taille moi on avait Félix Tshisekedi. Pour décrire ma monde, bon, pour dire vrai, moi j'ai plus côtoyé le papa. Quand moi j'ai travaillé na parti, moi na azalaki moi ba condition famille bazalai nango ba danyoso bazalai libanda pour les protéger. Nous avons fait partie des personnes qui les ont protégés. Tous à la qui mingi ah na maman pour présence et à maman awa et à la qui ko soutenir pe papa sur place. Bon, ngai tangu ya komaki na parti nga nazalaki te na sima na ngai nde akomaki azalaki nommé chargé des relations extérieures na parti de représentant ya parti na niveau extérieur to travaillé na eboité mais ayebi ngai mama ayebi ka ke mwana papa mutuna oyebi na bandeko na bango nyoso nga na lia mbongo ya libala bazande ko na bango mwasi babalai azala na Minnesota nga na lia mbuji ya tatu mukashi na zoa super elamba na zoa mbongo na kadre ni yoko muta famite na za famite famille politique e koma pe famille na ye na lagisi president president alobi mbongo na yo lia nzunzo ke le mbongo ni bala famite kasi ba yo nga za mwana na province orientale wana mama kutima eh kasi ngai mutu na ke na lie na ndaku na ye avant ndenge kutima na biso na kasai biso ba kongole ya kasai to salaka avant famille ya mama na ye bakota na ndaku president fachia bili solo na ayebi ayebi solo na na ide pes ayebi baye bate aza mwana ndako ayebi te bango nyoso ayebi ba ngana za lape mimi nena bande ko naye mususu amundela banani mama to komi na suka merci mingi tango zo tala ide pes na musika lelo ino bobunda bosala boe orolo banini za ndako na yo token de pai to zonge pai za ndako na yo iza mwa pasi ezalaka oboti mwana oboti mutema te na oloba mingi te na suka ka wana na ebite maman bazaiba merci mingi ba kongoleo ba olanda yo balingaka yo mingi bato mingi balingaka yo basenga biso to luka yo merci vraiment accorder biso plus de 2 heures ya temps na yo pour obesa li solo ya parcours na yo o bana na yo alelo komi deja na bakoko barrière petit fils ta yo ba romonaka yango po ba mama uta wapi et puis à Komiwa puis Lelo mais surtout Batouana pe balingi yo na domaine na environnement pe gouvernement bosala obola kaki na campagne électorale o muyaki chemise roi balobaka okenda ki obattre campagne pona yo moko pe pona union sacrée balingi bo réaliser balingi mboka ebonga balingi makambo changer balingi ba idée wana bozaye ko développer na papa Etienne et Salam et ozamala mumingi pe mboka yeke ne liboso. Merci Nayo Soza Liloba ya Bokabwani avant de désannoncer. Bon, Liloba, quand il y a un peu de merci, po bino ba panisa nde boyara ko kundola mwa ba makamu susu e bombana ne to lobby amuna lobby amuna cadre ya eswa batu msusu te na cadre ya histoire po histoire ba changera te so ile lo na komi mukolo bo so ina ke ibo e ba mboka na biso ezalara bo e botanga kaka ba Jeanne d'Arc te msusu botanga pe biso e lo msusu pe ya important to lobby amote na parcours nanga to fungola te na sala makasi na promotion ya basi. Ah oui. Promotion ya droit. Te pardon maman, to lobelango. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein, réalisation ba baxela biso en temps de 3 minutes. Parce que to yambio en tant qu'actrice politique mais en tant que maman, so Nathalie Seve na yo eza la commission président na Assemblée nationale. Eza na nyonso obundela ba maman mingi na politique. Pona nini et comment? Oui, na sala makasi pona droit ya basi. Les droits des femmes pour la participation politique na bango pour la droit civil et politique na bango pour na makambe belé wana na pesa nzambe merci et longo na baninga to réussi ça na niveau national ya kotia article 14 na kati ya constitution ezala liboso article 54 na constitution en transition au balobi participation représentation basi ezala ezala visible après to ekoti yango penza parité na kati ya constitution article 14 pe article 15 ya constitution ko lutter makambetali violence ya ba mama to sali pe loi moko particulière oyo ya ko lutter contre ba violence nyonso sexuelle contre les femmes na ba violence ndenge na ndenge to sali pe loi to renforcer code pénal na makambo etali violence sexuelle to sali yango na kati ya loi ya législation ya travail code de la famille to kotisipe ba makambo ebele bele na code de la famille pour droit ya mwasi na ya mobali ezala ndenge moko par exemple fierté na ezalaka omoni lelo loi oyo ya statut ya policier loi ya organisation et fonctionnement ya police loi ya statut ya militaire, loi ya organisation ya fonctionnement ya ba militaire, ya statut ya militaire, nga mutu na travaille yango, ezala na Sénat, ezala na Assemblée nationale, yango esala ke na mboka na biso lelo, tozwa basi bakoma pe na droit ya kozala ba grade ya ba généraux, et puis basi bazala pe na grade ya commandement. Po liboso, mwasi akokaki kozala na ba grade wana te. Et d'ailleurs, ce qui moi si ozali na grade ya likolo okoyi ko bala moi mon bali ya grade ya 7 il faut basa la simulation de grade mon bali ya le kayo na grade na niveau ya armée mais le lo makambwana et sila pour to sala autorisation makambe ya ko considérer moi si lokola incapable juridique et sila na sala ya ngonga imokote na baninga meto contribua na niveau national na niveau régional protocole additionnel et à charte africaine à droit de l'homme et des peuples. Et Zalaka Ngongawana, dans l'article Moko 18, et le Baka Makambu, sommairement pour Nabasi, mais tu travailles à Yango, Naba Maman Moussous, ya Congo Braza, Zala Lerongo, commissaire et ya commission à droit de l'homme, Maman Julien Onziel, à Zapé Nabo Moïkino Lelon à Brazzaville, avocate Mounen, Nangaï Lokola, tu travailles à Louana, tu sala protocole additionnel. Il y a charte africaine, il y a droit de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Na niveau international, résolution 1325 et à Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, na koyiko za la fière que euta na biso ba mama congolaise y compris ngai na telemela yango to pesaka yango na ambassadeur et à Grande-Bretagne na Conseil de sécurité a kené ko défendre yango na monde entier le balobaka résolution 1325 participation balobaka femmes paix et sécurité na résolution 1820 ya conseil de sécurité sur ya présence ya basi na ba instance ya prise de décision et surtout na table ya négociation ya résolution de conflit ezali ba mibabi loko yo to sala ata lelo okufi to tiki ba cadre wana juridique et puis na mboka na biso plaidoyer to ye kozwa mwasi ya liboso mama Janine Mabunda présidente de l'Assemblée nationale. Mais loyo président Tshisekedi a soumis biso to toucher plafond de verre to zui maman Judith Suminwa comme premier ministre. Na monique ezali ba fruit ya musalo tant to banaka ko salango batu bazo zwango vraiment na considération te. Et pinga na bando salango te ponanga. Na zo salango pona basi mususu. D'ailleurs en son temps je m'en souviens président Kabila a tindé la kabiso mouvement ya femme bakombo. Ah oui, mais vous parlez trop pour les femmes. Quelles sont les femmes qu'on peut positionner? na tiaka kombo ya mama Janine Mabunda. Na tiaka kombo ya mama Mienze, à l'époque, elle n'est plus. Na tiaka kombo ya mama Ludovic Manoka, toutes les femmes du PPRD. Na tiaka kombo ya ba mama Lukiana Marie-Ange et tout. Mais aponaka Janine Mabunda, a ekoleka. Donc on fait pour les autres. Merci. Parce que je me dis, si je fais pour les autres, on fera aussi un jour pour moi. Donc droit des femmes, Wanande Ezana, parcours nanganyoso, les combats pour les droits humains, les droits spécifiques de la femme, ils sont importants. Et on est tindangana créé Ligue des femmes congolaises pour les élections. Et Sangisa Basi a majorité, opposition nyoso. Donc j'avais la facilité qu'au Sangisa Basi, il y a toutes les tendances à créer caucus des femmes. Merci. Merci. Plat préféré dans le sona pondu lituma nambisi amai lituma eza makemba oyo batuta na lingaka bon on a moment de distraction en dehors ya musala ou na osani en dehors ya musala natala football c'est curieux ngamo pe na beta football na défense. Ah bon? Na beta pe basket. Na beta pe basketball. Nazala pe judoka. Voilà, so lingyo yeba. Donc, ce qu'on me qui est pas mère. Eh, na tika akala. Bon, ça n'a pas mouvement. To sala judo na santrakine. Yango, peut ça en force. Sala judo na santrakine. Force à caractère. À l'époque, na père Bifalo. Santrakine na nini, na Saint-Pierre. Na commune à Kinshasa, l'air à Motobando Sala, formation à Bissoya. Merci, Mimi, Maman Bazaïba. Merci vraiment, vraiment, Ndengo accordé Bissot en temps na yo, l'isolo inspiré ba jeune femme, ba to bazoro comme modèle. Merci, Nabino Nyoso, Bolandagi Bissot, na émission Parcours, Yamokolo Alelo, Yambi. Maman Eve Bazaïba Massoudi, merci na équipe Nangaï, les inconditionnels de parcours, Pascal Kalambay à la réalisation, Didi Bintika na co-réalisation pe montage, merci à Patrick Mungongo pe Dani Zayobi à la caméra, à la prise de vue, merci également à Jacques Nzinga Pongi à la régie radio. Merci aussi à Eric Louko qui était avec moi pour sa rubrique Que pense la rue. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Parcours.